C'est Carte Blanche avec Max Campo sur Néo. Bonsoir et bienvenue dans Carte Blanche sur Radio Néo. Bien sûr, chaque jeudi et en direct, bien entendu, sur le 95.2 et sur toutes les fréquences, celle de Bourges, celle de Toulouse, partout sur Internet. Ce soir encore, 3 heures de pure folie, de musique électronique pour les amateurs, bien sûr. Pour ceux qui aiment la musique électronique, il en a besoin plus que jamais de la défendre, cette musique électronique. Hein, il en faut pour toutes les couleurs, il en faut pour tous les goûts. Mais voilà, fervent défenseur, Carte Blanche, Radio Néo, chaque jeudi 20h, 23h, avec Clément qui est à mes côtés ce soir. Toujours présent. Ouais, oui, c'est ça qui est bien, c'est que tu lâches pas l'affaire, quoi. Ah, il faut pas. Il faut pas. Et c'est vrai que on a beaucoup toujours de choses. Hein, on a écouté du bon son. Ouais, ouais, je sais bien. Voilà. Et lui qui était très hardcore au départ en arrivant. Voilà, on n'est pas loin de le voir avec des chemises à couleurs, parce qu'on est toujours habillé en noir, hein, quand même. Hein, voilà, mais maintenant il s'est habitué aussi à des sons, hein, des sonorités un peu différentes, plus tranquille, on va dire. Plus ouvert, plus éclectique, et c'est ça qui fait plaisir. Notre invité de ce soir, attention, c'est du prestige, c'est du grand. En 2 saisons, sur tous les invités que j'ai pu recevoir, à chaque fois que je parlais d'une référence DJ, 2 fois sur 3, si c'est pas 2 fois et demi sur 3, c'est son nom toutes les émissions, ou toutes les émissions, t'as raison, son nom sort obligatoirement. Voilà, Laurent Garnier, plus de 20 ans derrière les platines. Il a commencé au milieu des années 80 en tant que DJ, il a explosé fin 80, début 90, voilà, avec toutes ses productions DJ international, qui fait du live, qui sort un nouvel album courant du mois de mai, donc là, bientôt, des maxi, on attend ça avec impatience, du live également, il a touché un peu à tout, il aime tous les styles de musique, hein. Moi je le connais un petit peu, il aime bien la musique hip-hop, la musique black, la soul, la funk, la disco, mais il peut aimer également le rock, le punk, voilà, très éclectique également musicalement, voilà, live, DJ, beaucoup de questions ont été posées tout au long de la semaine par le biais des mails, donc j'en ai noté pas mal, je vais pas pouvoir bien sûr toutes les poser, mais voilà, rassurez-vous, pour tous les auditeurs qui ont eu la gentillesse d'envoyer des questions à Laurent, je tâcherai voilà de faire le lien et je lui poserai les questions, donc là ça va être chaud. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Laurent qui va arriver vers 20h30, hein, exceptionnellement ce soir, tu voulais déjà préciser une petite chose, non, Clément, concernant ces... Bah oui, une grosse chose. Vous pouvez appeler déjà aussi au 0800. Oui, non, mais c'est pas ça, c'était surtout... poser vos questions. Ouais, non, mais ça c'est bon. C'est surtout... toutes les playlists du mois de mars et avril sont disponibles. Donc tu peux dire ça avec plus de joie, plus d'entrain. Hein. T'as l'impression que là, c'est les pompes funèbres. Malheureusement maintenant à disposition. Toutes les playlists, les archives des playlists sont disponibles sur le forum de Radio Néo. Ouais, ça c'est bon. Vous avez accès à tous les sons qu'on a diffusés depuis mars. Et avril, voilà. Et donc, avril. Si vous avez enregistré les émissions, vous avez besoin de récupérer les références de certains artistes, des morceaux, des trucs, voilà, tout est dessus, tout est disponible. Et puis, bien sûr, le MySpace, www.myspace.com/maxcarteb, toujours, bien sûr, vous pouvez y aller avec un grand plaisir. Donc, Laurent Garnier, qui lui va arriver aux alentours des 20h30, et puis, en attendant, bien sûr, on se fait plaisir, hein, avec du gros son électro, ce soir encore dans Carte Blanche sur Radio Néo, avec à venir les Fisher Spooner, qui étaient venus dans les studios il n'y a pas si longtemps que ça, Danse en France, un titre en français, remixé par les Minitel Rose, qui étaient venus eux aussi dans les studios, et qui est d'ailleurs, Fisher Spooner, en concert ce soir au Nouveau Casino, et là, c'est brésilien, ça s'appelle No Turning Back, extrait toujours de son tout dernier album, qui est une bombe atomique, on en avait parlé avec DJL, d'ailleurs, qui avait véritablement apprécié, c'est Guy Borato, mais on va écouter ça tout de suite, Carte Blanche sur Radio Néo, on est là ce soir jusqu'à 23h avec notre invité Laurent Garnier qui ne va pas tarder à arriver. say the most wonderful words you just don't understand. I can show you the way, but I know that you'll never be there. All the time, all the shine of your eyes, I will never forget. All I know, there's no time, there's no life, there is no turning back. Carte Blanche Radio Néo, chaque jeudi 20h, 23h en direct ce soir, l'invité prestigieux, attention, le maestro on va dire des DJ, sur quelques-uns, hein, mais voilà, celui-ci en fait vraiment partie, c'est Laurent Garnier, notre invité pour la sortie de son nouvel album, ça sera pour le 11 mai, on en parlera avec lui dans les minutes à venir, il devrait pas tarder, exceptionnellement arriver sur les coups de 20h30. Ce qu'on vient d'écouter juste avant, c'était les Fisher Spooner, qui avaient été également nos invités il n'y a pas si longtemps que ça, remixé par Minitel Rose, qui l'avait été également nos invités, comme quoi, voilà, tu vois, ça fonctionne, hein, Clément, hein, finalement, d'avoir les invités de carte blanche. Ils s'échangent leur carte de visite, et voilà, Minitel Rose, donc, qui a remixé Fisher Spooner, et le morceau en plus s'appelle Danse en France, et a précisé que Fisher Spooner est ce soir, à Paris, au nouveau Casino. Sébastien Grosso, ça vient de Suède, et s'appelle Lactos. C'est le tout dernier, ça aussi c'est du bon, c'est revival un petit peu son années 90. Voilà, minimal groove, très clubbing, très très bon comme on l'aime. Et puis il y a encore plein de petites bonnes choses. Bon, ça devrait pas tarder, hein. Si tout va bien, s'il a trouvé une place facilement, ou si le taxi a trouvé l'adresse de Radio Néo, dans moins d'un quart d'heure, Laurent Garnier sera en direct. Et bien sûr, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Puis on en a déjà sélectionné énormément durant toute la semaine par le biais des mails. Carte blanche chaque jeudi 20h, 23h sur Radio Néo. Paris, c'est des fous furieux, c'est des barres et ces garçons-là. Ils nous viennent de Suède, à la mafia suédoise, comme on le dit. Sébastien Ingrosso et Lactos. Pour un de ces derniers sons qui est disponible, bien sûr, sur les plateformes de téléchargement légales. Clément, attention, attention, ne fais pas de bêtises. Dans moins de 10 minutes, si tout va bien, Laurent Garnier, notre invité dans Carte Blanche sur Radio Néo. Une émission sans concession. Carte blanche avec Max Campo sur Néo. Et je dis si tout va bien, mais à mon avis tout va bien aller, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. DJT pour tout de suite, il y a l'album, je l'ai reçu il y a quoi, il y a une demi-heure, hein. Enfin juste avant le début de l'émission, puis voilà, bah écoutez, on va découvrir, hein. C'est le cas de le dire, on a enlevé le cellophane et puis on va découvrir un extrait de ce nouvel album sur le label et son label Physical. Voici donc un extrait du dernier album de DJT pour se faire plaisir dans Carte blanche sur Néo. tout chaud, ça vient d'arriver, je m'en suis même brûlé les mains, c'est pour vous dire, voilà, une demi-heure avant le début de l'émission, sur le label Physical, qui est à lui, DJT, avec son nouvel album, qui s'appelle The Inner Jukebox, et on vient de s'écouter dans Carte Blanche sur Radio Neo, un pur son, hein, c'est le deuxième de cet album, s'appelle This, allez on vous laisse la fin. Max Campo sur Neo, c'est tous les jeudis, 20h-23h, dans Carte Blanche. Il est notre invité de ce soir, carte blanche sur Radio Néo. Ça va être gros, ça va être chaud. Laurent Garnier qui va arriver d'ici quelques instants. Apparemment, il était dans la rue, donc il doit être en train de monter les escaliers. Il devrait pas tarder à arriver, lui qui a une journée surchargée, normale. C'est un événement sur la scène électronique française, européenne et je dirais même mondiale, puisque le nouvel album de Laurent arrive dans les bacs le 11 mai justement. Et un extrait de cet album avec justement le maxi, le dernier. Et juste après, Laurent arrive dans les studios de carte blanche sur Radio Néo. Pour l'annoncer, le voici, le voilà, il est bien et ben là. Là, c'est la dernière ligne droite parce que depuis ce matin, 10h, en fin de compte, il arrête pas de faire des interviews. Laurent Garnier est avec nous ce soir dans ça Carte Blanche. Bah oui, ça fait plaisir. Ça fait 1000 ans que je t'ai pas vu. C'est vrai. Ça fait combien de temps? C'est ce que je te disais en tête, ça fait 10 ans. Je sais pas. Bah écoute, on s'est. C'est un chiffre ridicule. On s'est côtoyé d'assez près. Malakoff quand t'étais là-bas, oui, avant, puis quand t'es arrivé à l'époque à la radio sur Fun, quand on a. Oui, bah Malakoff, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ouais. Voilà, comme quoi, hein. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas changé. Toi non plus. Ah, c'est gentil. Merci pour le compliment. T'es même bronzé, t'es beau, t'es bien. J'ai profité du soleil. Tu sais qu'il fait beau à Paris, parce que je sais, j'y étais la semaine dernière, il a fait beau toute la semaine. Parce que maintenant, tu ne vis plus à Paris ni à Malakoff. T'es parti loin maintenant. Il est vrai. Et là où tu vas, il y a du soleil toute l'année. Alors ça, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Cette année, ça a été un temps de merde total. C'est vrai. Ah ouais. C'était. Bon, comment tu te sens? Alors d'abord, on est vraiment très, très, voilà, très heureux de te recevoir. Il y a beaucoup de questions durant toute la semaine qu'on a sélectionnées, bien sûr, qui vont être posées par les auditeurs. On va retracer très rapidement la carrière, puis surtout parler de l'actualité, parce que les artistes veulent surtout ça. Un album qui sort le 11 mai. Paf, ça y est. Bah oui, ouais, écoute. Ça y est, il l'a fait. Moi, je trouve toujours intéressant de parler tout de suite de l'actu, de revenir un petit peu vers le passé pour comme ensuite revenir sur l'actu. Comme tu veux. Alors, ce nouvel album, ça fait longtemps qu'on attendait ça. C'est marrant parce que combien de temps il s'est passé entre celui-ci qui va arriver le 11 mai et le précédent? Alors, pas tant de temps que ça, parce qu'il y en a eu un qui est passé un peu inaperçu entre les deux. Parce que moi, j'ai suivi. Ouais. Voilà, si tu parles du précédent, je pense que tu parles surtout de Clan Making Machine. Ouais. Donc ça, c'est 4 ans et demi, je crois. Ouais. Mais entre les deux, il y a eu un album live qui est assez important pour moi, c'est-à-dire que même si bon déjà je sais qu'un album live ça marche quasiment jamais, donc c'était un peu suicidaire de le faire, surtout à une période. Mais t'aimes bien ça. Oui, mais moi je suis un peu barjo, ouais, j'adore ça. Mais par contre, c'était important pour moi parce que j'ai eu besoin de faire ce disque live peut-être pour arriver à ce disque-là. Au disque Tears of Kleptomania, ouais. Celui qui sort le 11, justement, ouais, dont tu parlais. Ouais. Et j'ai l'impression d'avoir un peu transformé l'essai que j'ai essayé de marquer avec le live. Là, je l'ai transformé en studio avec les musiciens. Je l'ai figé, là, vraiment. Ouais, donc là, ça arrive. T'es comment? T'es stressé? T'es bien? T'es dans Je suis pas stressé. Comment est Laurent Garnier dans ces cas? Je suis pas stressé du tout. Tu l'étais avant, t'as... Non, mais je, stressé pour, là, tout de suite, maintenant, non, avec toi, je suis pas stressé. Non, mais je parle de la sortie de cet album. Alors, écoute, moi, j'ai connu un Laurent Garnier, normal, parce que c'est un peu... Alors, je vais te dire, j'étais très stressé il y a un mois, parce que je savais pas du tout ce que les gens allaient en penser. C'est vrai. Et là, j'ai fait quand même déjà pas mal de promos, je me suis fait les mensuels, il y a un mois. C'est un peu comme au cinéma, maintenant, les mecs font les tournées un mois avant pour aller voir un petit peu, prendre la température, tu fais un peu la même chose, et finalement, c'est là que tu sens que ça prend. Il faut quand même savoir qu'un album, avant que les gens puissent l'avoir dans les bacs, ça a une vie, ça a une longue vie. Moi, le disque, musicalement, au mois de juillet-août, l'année dernière, il y avait déjà 80% de la musique qui était là. Après, les 20% sont super importantes parce que c'est le mix, c'est retoucher des choses, éditer, peut-être faire un nouveau morceau pour qu'on puisse avoir un track listing cohérent et à savoir que c'est un album qui est super éclectique, donc ça a été super difficile de mettre tout ça ensemble. Mais déjà, moi, l'album, je l'ai déjà bien digéré, là. Tu vois, là, ça fait pratiquement un an que j'ai fait la musique. Ouais. Moi, je suis déjà passé à autre chose. Mais j'ai commencé la promo à peu près il y a un mois, donc je te dis, j'ai vu les mensuels il y a un mois et je suis super content de la réaction des gens. Donc c'est vrai que déjà c'est pas mal, ça va. C'est pour ça que quand je faisais la liaison avec le film, c'est vrai qu'entre un réalisateur, entre le moment où il l'écrit ou pareil, où il est tourné et après il est pris en promo, c'est un enfer. Tu dis que t'es plus dedans et là il faut que tu te remettes un petit peu dedans et puis après il va y avoir toute cette tournée, on va parler après des dates, beaucoup de festivals, donc là forcément tu vas te replonger dans l'univers de cet album. Mais tu te rends compte, un film c'est 5 ans. Ouais. Moi, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur un film, là, et on tourne l'année prochaine, et ça sortira en 2011. T'imagines? Non, mais truc de dingue. Moi, déjà, un an et demi, j'ai du mal avec un disque, avant même que la musique soit faite, il y a eu quand même 6 mois avant où j'ai fait de la zik, enfin, c'est long, c'est long. Donc là, t'avais envie que ça sorte, t'en pouvais plus. Fallait que ça vienne, quoi. Ouais. Et quels sont les retours en toute objectivité, Laurent? Parce que t'es revenu un peu dans l'esprit un peu dance floor, un peu ce qu'on attendait de toi aussi. Oui, mais ça, ce que les gens attendent, je sais. Je m'en fous un peu parce que je fais pas de la musique pour servir un public. Je fais de la musique pour être sincère et pour me faire plaisir déjà à la base. Alors pour faire plaisir aux gens, j'ai envie de faire plaisir aux gens, mais je fais pas la musique que les gens aimeraient bien que je fasse. En tout cas, je suis pas un jukebox. Hein, c'est pas mon métier d'être jukebox. Mais écoute, je suis très agréablement surpris par la réaction des gens. Ça se passe extrêmement bien. C'est vrai. Mais vraiment. Hein. Ils te disent quoi, les retours, de ce qu'ils ont pu entendre, parce que t'as pas encore. Alors, c'est surtout dans les mix, même quand tu vas jouer. Non, mais même j'ai fait pas mal de promos là. Je me suis fait 5-6 jours de promo, donc j'ai fait quand même entre 60-70 journalistes en tout. Donc t'as déjà un bon feedback. Et ce qui est très drôle, c'est que comme c'est un album qui est très éclectique, il y a des choses bien spécifiques qui touchent à plein de publics différents. C'est-à-dire que si on a un qui aime les 3 premiers morceaux, l'autre va aimer les 3 autres d'après. Et ce qui va te plaire à toi va peut-être absolument pas plaire à ton voisin. Et c'est un album qui est un peu comme ça parce qu'il est très très ouvert. Donc je comprends que les gens soient un peu perdus aussi. Quand on voit tous les DJ aujourd'hui, tout ce qu'il y a, ça a explosé dans tous les sens. Le métier de DJ, la profession de DJ, c'est devenu de la starification. Pour certains. Toi, entre le moment où il y a eu ce dernier album, comme tu dis, le live, ou qui est passé un peu plus inaperçu aujourd'hui, d'abord, ça doit quoi faire plaisir de savoir qu'il y a autant de gens qui attendaient l'arrivée de Laurent avec un nouvel album, qu'il y a autant de gens qui veulent savoir. Mais tu sais, le truc qui m'a ça te rassure. Mais non, pas. Non, c'est pas ça. Mais le truc qui m'a fait très plaisir, c'est que moi, j'étais parti autre part. C'est-à-dire que j'ai fait 30, j'ai fait Unreasonable Behavior, qui était encore assez dance floor, et puis après ça, j'ai fait Cloud Making Machine, qui ça, à mon avis, a dû perdre beaucoup de gens parce que je crois qu'ils ont pas compris. Mais c'était un album que j'avais besoin de faire. Et puis moi, j'étais vraiment parti sur les trucs de danse contemporaine, et puis j'en fais encore, hein. Mais j'étais vraiment parti sur ce truc un peu cinématique, très, très privé, très perso. Et j'ai fait un maxi l'année dernière qui était Back to My Roots, que j'ai sorti en Allemagne sur le label Inner Vision. Et je l'ai fait un peu pour me faire plaisir, et puis j'avais envie de voir, de tester les gens. Et la réaction sur ce disque, ça a été énorme. C'est vrai. Mais même beaucoup plus fort que ce que je pensais que ça aurait pu avoir, parce que c'est un bon disque, mais c'est pas le disque du siècle. Et donc, je me suis dit, merde, les gens attendent vraiment que je revienne avec un truc un peu dance floor. Et c'est vrai que ça a un peu fait changer la direction, en tout cas, de ma façon de faire les choses sur ce disque-là. Et je me suis dit, bah tiens, je vais revenir vraiment à mes racines, à la musique noire, à la musique qui fait danser, sans forcément faire un disque techno. Et je vais m'éclater un peu, je vais me faire plaisir. Bah, c'est vrai que quand on, bon, moi je te connais bien, et puis on a travaillé ensemble sur des projets radio. Depuis longtemps, c'est vrai que quand on parle Laurent Garnier, on pense à la musique électronique, mais c'est vrai que d'ailleurs dans tous tes shows radio et même dans les mix, c'est vraiment une étiquette, je me sens trop étriqué, moi. Ouais, et je suis d'accord avec toi, j'ai pas envie de ça. Quand on va te voir en soirée, tu peux mettre de la funk, de la disco, regarde ta bio, c'est le rock, c'est toutes ces choses-là. C'est la musique. Ouais. C'est la musique, je suis absolument pas un intégriste de quoi que ce soit en musique, j'aime tout, j'écoute. T'aimes la bonne musique. Bah ouais, c'est ce que je dis souvent, il y a de la bonne musique et de la musique de merde. Et puis après ça veut rien dire, parce que c'est quoi de la musique de merde? Ce qui me plaît à moi n'est pas forcément bon, et ce qui me déplaît n'est pas forcément mauvais. Alors là, on peut rentrer dans discuter pendant des heures carrées. Hein. C'est vrai. Mais bon, tiens, c'est tout à l'heure, je relisais la bio, forcément, de Laurent Garnier, qui est riche. Une qui me semble assez correcte, je pense qu'il y a peu d'erreurs, tu me diras. D'ailleurs, t'as bien collaboré à un moment donné, j'ai vu ça, parce que tu parlais de ballet. T'as composé une musique pour un ballet à Aix en octobre 2006, en hommage à Paul Cézanne, c'est ça? C'était pour l'ouverture du Palais Noir, non, du Pavillon Noir, qui est aujourd'hui l'école de danse d'Angelin Prejlocage, qui est peut-être un des plus grands chorégraphes français. Et pour l'ouverture de son école, il y avait un des ballets qu'il avait envie de présenter, avec des jeunes danseurs, qui étaient pas ses danseurs, qui sont des danseurs qui ont été remarqués, depuis les 5 dernières années. Et donc, ces danseurs ont voyagé entre plusieurs chorégraphes, comme ça. Ils ont fait une chorégraphie par chorégraphe. Ces 5 chorégraphes qui sont partagés cette troupe. Et, c'était un peu pour les lancer aussi. Et donc, Angelin m'a demandé de faire la musique pour ce show-là, qui faisait partie de l'ouverture du Pavillon Noir. Je dis ça parce que justement, un peu comme ça, dans le désordre, tu disais que t'es souvent là où on t'attend pas, où tu dis que t'es pas forcément là pour faire plaisir aux gens, le dance floor. Bah, moi, je fais autre chose. T'as fait cet album-là dont t'avais besoin d'avant. Là, on te voit en train de faire la musique de ballet. Tu dis que tu travailles sur un projet de film. En plus, c'était pas forcément Cézanne. C'était le thème du truc. C'était l'oiseau de feu Stravinsky. Donc, on est parti de l'oiseau de feu et, on a gardé les thèmes. Et donc, on a fait un truc très électronique avec les thèmes. Et là, ça doit être un peu flippant quand on te propose ce projet. Tu dis oui, c'est génial à la fois, et en même temps, sur papier, tu dis. Là, j'en ai un autre pour l'année prochaine avec Angelin pour le Bolshoï en Russie. Donc, alors ça, c'est encore pire. Ça, c'est encore plus super flippant. Et là, tu peux raconter un peu, c'est quoi? On va te demander quoi? C'est quoi ton travail à la base là-dessus? Angelin qui vient me voir, qui me dit, alors j'ai une idée, on va faire un spectacle sur tel sujet, tu te démerdes. Oh mon Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, je vais commencer à lui proposer des trucs en septembre, parce que je sais que lui va travailler sur la musique, donc je suis le premier à être obligé de donner des choses. Angelin est super, super casse-couille, super dur, mais c'est une très bonne chose, hein. Ouais. Il faut travailler avec des gens comme ça. Et donc, il change tout jusqu'à la veille du spectacle. Donc, c'est toujours un peu compliqué de travailler avec Angelin, mais c'est bien. C'est un personnage absolument incroyable, qui est un danseur sublime, qui est un chorégraphe génial. Et donc, j'ai ce thème, je peux pas en parler parce que c'est pas encore sûr, tu vois, je sais pas si le thème a été accepté par le Bolshoï, mais thème qui va pas être facile non plus, tu vois, qui va être un peu compliqué, il va falloir que je me plonge dans des bouquins. Mais c'est marrant parce que quand je t'écoute là, quand je te vois, je vois Carl Craig ce qu'il a pu faire, même les projets de Jeff Mills, là, l'ancienne génération, mais qui est toujours à la page, vous êtes passé On n'est plus dans la catégorie du DJ classique derrière des platines. C'est... Non mais non, ça fait 20 ans. Je sais bien, mais tu reviens à ça. Si on... J'ai jamais lâché le DJ. J'adore ça, c'ça, c'est ma vie. Je sais, mais c'est que voilà. Mais y a est-ce des que tu manges du poulet tous les jours? Non, je pourrais moi, ceci dit, poulet frites. Non, pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Tu te fais chier. Oh, venir t'as. Voilà, mais moi, j'ai pas envie de faire que DJ. C'est-à-dire que je gravite dans un monde qui est créatif où on peut faire plein de choses, où on a la chance aujourd'hui de pouvoir commencer à travailler. C'est particulièrement original, quoi. Je veux dire, sur le projet sur lequel tu bien sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais le projet qui est Tragal. Là, ça c'était quelque chose parce qu'elle, elle est venue, elle m'a dit bon alors on va faire un truc sur le Marquis de Sade. Moi j'avais jamais lu Sade, tu vois, donc je lui dis bah faudrait peut-être que je commence à lire un bouquin. Donc j'ai lu les trucs de Justine là où c'était ça m'a gavé. Enfin au bout de 200 pages j'ai arrêté parce qu'il y a un moment où des gens qui sont aussi barjots, c'est-à-dire qui vont toujours rechercher le malheur, le malaise et plus ça va dans leur vie, plus ça devient hardcore. Il y a un moment où je me suis dit, bon ça va, j'ai compris, c'est la répétition. Donc ouais, ça j'ai bien compris. Son mari à Pietra m'a fait des exposés énormes sur justement ça. Donc j'ai commencé à faire de la musique et je savais pas trop où j'allais et on a composé 1h15 de musique quand même et c'était génial, on s'est éclaté, c'était terrible. Alors aujourd'hui donc cet album, on le rappelle, le 11 mai, ça ça va arriver, donc ça va accoucher, c'est parti. Bon, je le dis parce ça c'est accouché, la maison de disque est là, donc la promo, oh, on va 11 mai. Non mais ouais, c'est important, c'est bon, bien c'est bon. Non mais c'est bien, non mais il faut bientôt, le dire, c'est la semaine prochaine, non c'est la semaine prochaine, c'est vrai que voilà. Quand on donne une date comme ça paraît loin dans le temps. Non, c'est la semaine alors que c'est quand même déjà la semaine prochaine. Tu parles de projet également, on va revenir un petit peu en arrière juste comme ça pour que les gens qui la plus jeune génération parce je sens que tu vas me faire un truc bizarre. Non pas du tout, non je vais te dire je le sens là, c'est ma deuxième saison que je fais ici. Chaque semaine quasiment, à peu de choses près, je reçois un artiste, de plus jeune à moins jeune, et à chaque fois qu'on parle de nom de DJ, c'est peut-être un peu gênant d'entendre ça pour toi, mais 2 fois et demi sur 3 ton nom ressort. Donc ça me fait ça dans me le bon touche. Sens. Mais moi aussi, parce que te connaissant un peu, ça me fait plaisir de savoir tu que as dit, je toujours... le connais. Je non le connais, mais celui-là. Comment dire, ça fait toujours plaisir de voir que même la toute jeune génération, les nouveaux DJ de 20-22 ans, ont pour référence quelqu'un comme toi. Ça me touche beaucoup. T'es constamment dans les dans le trio de tête de DJ prestigieux de la planète, c'est systématiquement quoi. Et donc ça fait plaisir. Donc je sais pas, ça doit. Merci. C'est beau parce que. Non mais je suis super touché parce que c'est vrai que. À 43 ans, quand tu joues des 10 devant un public qui a moins de la moitié de ton âge et que tu joues des choses qui sont assez actuelles, parce que j'écoute beaucoup de musique, il y a un moment où je me pose des questions. Lesquelles ? Et tu te demandes est-ce que tout ça c'est est-ce que c'est bien logique ? Est-ce que je suis pas complètement has-been ? Est-ce que je passe pas pour un vieux con ? Tu parles quoi de logique ? Est-ce qu'il est logique que moi à mon âge je continue encore à mettre de la musique pour les jeunes dans un... Non mais est-ce que ça fait pas jeunisme le fait de jouer des trucs très actuels, tu vois ? Est-ce que les gens vont pas le prendre bizarrement ? Mais d'un autre côté, si je jouais que des vieux trucs, je ferais vieux con. Et je pense que quand t'as 20 ans, tu te poses pas ce genre de questions. Bien quand sûr. T'as 20 ans, tu te poses pas de questions, t'y vas à fond. Mais quand t'en as 43 et tu te dis putain, j'ai un public de 2000 personnes dans la salle qui ont les bras en l'air, je me dis est-ce que tout ça est-ce que ça devrait être comme ça ? Voilà, je me pose juste des questions. Après, quand je les vois avec un sourire jusqu'aux oreilles. Question que tu te posais pas à l'époque. Mais non, forcément, ouais. J'avais le même âge qu'eux, mais là, j'ai le double. Et donc, je me dis, est-ce que c'est bien pertinent, tout ça? Mais au bout de 10 minutes, les questions s'estompent parce que je me rends compte que les gens sont heureux, je leur donne du plaisir. J'ai encore des mecs qui viennent me voir en me disant, putain, je vais m'en rappeler longtemps, ça m'a fait vachement de bien. Est-ce que t'avais à avoir cette réflexion-là du fait que justement, en satellite, tout autour de ça, t'as justement au milieu du DJ et tout autour de ça, t'as ces fameux projets, travailler sur un ballet, sur une musique, sur c'est aussi pour ça que je me suis diversifié. T'as fait du live, avait été parti un peu dans le côté. C'est pour ça que je me suis diversifié. Le jour. Ça aère. Non, mais le jour où mes potes viennent me voir en me disant, écoute, Laurent, là, je pense que. T'as passé le truc parce que tu ne joues plus un truc qui est cohérent, t'es plus dans le tempo. Mais c'est même pas ça, il y a des gens qui existent longtemps dans leur carrière qui sont toujours aussi pertinents. Si on parle de DJ, regarde un mec comme François Kevorkian, il a quand même plus de 10 piges que moi, donc il a bien, je sais même pas s'il a pas 55, ouais, tu vois. Ouais, je crois qu'il doit les avoir, ouais. Mais il est toujours aussi pertinent, et moi je le regarde, je me dis waouh, le mec m'excite quoi, et je trouve ça génial. Après dans la chanson, dans le rock, tu regardes les Stones, bah je suis désolé, ça va quoi, les mecs ils tiennent debout, ils ont presque 70 balais, les mecs ils envoient la monnaie quoi, et ça me plaît, tu vois. Je regarde Bowie ou les U2, tout ça, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui ressemblent encore à quelque chose et qui veulent dire quelque chose, et là c'est pour ça que tu dis pourquoi pas moi DJ encore à 50 ans derrière. Je me dis pourquoi pas. Après t'as d'autres gens, tu les regardes, tu dis t'aurais mieux fait de t'arrêter il y a 10 piges. Et je pense qu'il faut bien s'entourer, il faut s'entourer de gens qui sont sincères et qui viennent te voir à un moment en te disant, je pense que là, c'est le moment d'arrêter. Alors, sans citer les noms de ceux que tu dis, voilà, qui auraient dû s'arrêter, des gens qui ont la quarantaine ou 50 ans et qui sont encore derrière les platines, c'est quoi? Parce que tu dis, voilà, ils sont plus dans la page, tu sens qu'ils font ça pour le business, mais qui sont plus dans l'amour de la musique. C'est même pas ça, mais on va regarder, des gens que moi j'ai toujours adoré, comme Underground Resistance. Ouais. Je pense que ils feraient bien de s'arrêter. Ah oui, voilà. Ah, ils font pas grand chose, mais quand je les vois aujourd'hui à leur âge sur scène, alors la dernière fois que je les ai vus jouer, c'était il y a un an et demi, où ils avaient encore les masques sur scène. Aujourd'hui, 20 ans après, je sais pas si ça veut dire grand chose. Ouais. Pour un mec qui a 20 ans, j'ai vu plein de gamins qui sont venus voir en me disant, c'est pas mal ce qu'ils font, déjà comment ils s'appellent, et après les mômes m'ont dit, mais pourquoi ils ont un masque? C'est-à-dire que tout le discours qui voulait dire quelque chose il y a 20 ans ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait de tout ce discours de faceless techno, on fait de la musique, on veut être reconnu pour notre musique, chose qui est super défendable parce que je suis encore là-dedans moi aujourd'hui. Mais le fait d'aller sur scène avec des masques alors qu'on est dans un monde où on est totalement dans la représentation. D'ailleurs, les mecs vendent des disques sans même sortir des bons disques. Ouais. C'est passé leur discours. Il faudrait qu'ils l'adaptent différemment, qu'ils continuent à prôner ça. Parce que je suis d'accord qu'il faut. On s'en fout de la gueule des mecs. Ce qui est plus important, c'est la qualité de ce qu'ils font. Et ça m'intéresse. Ça me plaît, tu vois, toujours. Mais d'aller sur scène avec un masque aujourd'hui, sans forcément avoir touché les jeunes avec ce discours-là, parce que le discours, il a 20 berges. J'ai joué avec Public Enemy il y a 2 ans. Les mecs, ils sont toujours habillés avec des treillis sur scène. On les a regardés. Grosse horloge au milieu. Non, mais voilà, on les a regardés avec Flavor Flav qui fait un solo de batterie. Il peut pas jouer de la batterie. On s'est dit, c'est ringard, quoi. Ouais. C'était super ringard. Ouais. Donc, je pense qu'il faut être entouré à un moment de gens qui disent, là, c'est, tu vois, ils te tapent sur l'épaule en disant, je pense peut-être que tu aurais repensé tout ton bordel. Il en est où Laurent Garnier quand il revoit comme ça, quand il revient en arrière, qu'il se replonge en 87, 88 et qu'il voit DJ Pedro à l'époque, parce que c'était ton nom, on t'appelait Laurent Garnier à l'Hacienda. Écoute, c'était le parcours, là, c'est. J'ai pas l'impression d'être si loin. 20 ans, de ça. Là. J'ai pas l'impression d'être très loin de ce personnage. On m'a posé la question aujourd'hui, on me dit alors DJ Pedro, et j'ai dit déjà c'est pas un nom que moi j'avais choisi, on me l'avait un peu imposé à la Siena parce que c'était une soirée espagnole. Tu l'as très vite changé après. Hein. Mais j'ai très vite changé, mais j'ai pas l'impression d'avoir changé tant que ça depuis toutes ces années, parce que je reste toujours très sincère par rapport à ce que je joue toujours beaucoup avec mes tripes et avec mon cœur, j'essaye de partager le plus possible avec les autres, chose qui des fois marche et des fois marche moins, mais... Toujours à prendre des risques, ouais. Bah, j'essaye. Ouais. J'essaye. Alors, des fois, je dois faire des faux pas, hein, ça, c'est clair. Puis, non, mais. Puis, je fais des choses qui déplaient à des gens, mais qui plaient à d'autres. Donc, il y a un moment, j'ai toujours dit, t'en perds 10, t'en gagnes trop 2-3. Et toujours là où t'attends pas, quoi. C'est marrant, mais tu vois, si on revient sur Cloud Mucking Machine, qui a été un album qui a déçu pas mal de gens, si j'avais pas fait ce disque-là, j'aurais jamais fait Prej Lokage, j'aurais jamais fait Pietra Gala. Pour toi, c'était une étape importante. J'avais besoin de le faire. T'avais besoin de le faire, ouais. Et ça, c'était important. Je sais qu'enfin, dans Carte Blanche, on propose à l'invité de venir avec de la musique. Alors, t'es arrivé un petit peu brutalement dans le studio, je sais pas où c'est. Là-bas. On va aller le chercher. On peut jouer n'importe quoi. Ah, bah, tout. Ah, c'est pour génial, ça que c'est le principe de cette émission de Carte Blanche. Ça gêne pas si on joue pas de la techno. Hein? Non, au contraire, non, mais il y en a qui jouent du rock, il y en a qui jouent du hip hop, il y en a qui jouent de la disco, bien, du jazz, bien, de la funk. Si elle me donne le sac en 2 secondes, ah je te oui, on va trouver ça. Donc, on rappelle, hein, l'album, là, va arriver, et voilà, toujours chaud. Moi, l'album, après, on rentrera un peu plus dans l'univers de cet album et de ce dernier album. Évidemment, t'es venu avec un sac, là, c'est bien, là, t'as. Ouais, non, mais j'ai récupéré des micros aujourd'hui, un bouquin. Voilà, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Je suis venu avec une dizaine de disques, et puis je me retrouve avec un sac entier de bordel, voilà. Mais j'ai des disques. Tu parles de musique tout à l'heure, vite fait, avant qu'on passe le premier son, là, tu disais que t'écoutais encore énormément de musique, c'est-à-dire tu reçois toujours autant de sons et tu prends toujours autant de temps, parce que ça doit être par contre, ça doit être par moment un petit peu. Non, mais là, c'est l'enfer. Ouais. Là, c'est devenu l'enfer parce que par rapport à l'année où on se connaissait, où c'était des vinyles, tu les recevais déjà, je venais chez toi, tu recevais des pâtes à caisse, des vinyles, mais là. Je reçois quasiment 1000 morceaux par semaine. Non, mais je suis super sérieux. C'est l'enfer. Si jamais je rate une journée, comme là aujourd'hui, journée promo, demain, j'ai pour 7 heures à télécharger, à écouter de la musique. Ça devient un enfer. Parce tu que je reçois... comment, cette musique, après dans le train, sens... la maison, le matin, non, le soir. C'était du fait que tu reçois 1000 morceaux pour pouvoir les écouter, j'imagine que tu veux essayer de passer à travers rien, ne rien rater. Tu les écoutes de quelle manière tout. À quel moment t'écoutes 30 secondes, 10 secondes, t'avances? Non. Écoute, déjà, alors le fait d'avoir joué depuis toutes ces années assez facilement. Les labels. Non, pas les labels, parce qu'aujourd'hui les labels n'existent quasiment plus, et puis c'est comme quasiment que du digital, c'est que des nouveaux labels, c'est surtout ils en sortent 5 et puis après ils changent de label, donc tu connais plus les labels. Il y a tellement de nouveaux artistes que j'arrive plus à me raccrocher aux artistes, donc ça y est, je reçois des trucs, je les écoute. Alors très rapidement, tu sais, si ça te plaît pas, des trucs vraiment pas bon pour toi, tu le sais en deux secondes, parce que les sonorités, parce que les percus au début, parce que le son, alors déjà ça va vite, mais après le problème d'aujourd'hui c'est qu'il y a tellement de choses qui sont de bonne qualité, qui ne sont pas géniales mais qui sont juste super bien foutues, super bien mixées, parce qu'aujourd'hui les logiciels font que tu utilises aujourd'hui, les logiciels font que tout sonne quand même vachement bien. C'est vrai. Tout groove relativement, tout est pas mal branlé. À l'époque tu pouvais flinguer un morceau sur le pressage du vinyle si c'était mal fait. À l'époque ça allait beaucoup plus vite. Aujourd'hui tu te retrouves sur, on va dire sur 1000 morceaux, tu te retrouves avec 800 trucs qui sont bien foutus, qui sont bien. Après sur les 800, faut choisir le peu que tu vas jouer. Et alors là ça devient complètement difficile. Donc là le problème maintenant, c'est que c'est encore plus long de d'écouter des choses et de te dire ah ben oui, ça va être vraiment bien et ça va faire la différence. Sur le truc, il y a tellement de disques et tellement de DJ, il faut arriver à faire la différence. Il y a tellement de DJ aujourd'hui qui ils jouent 90, qui pourraient les jouer dans n'importe quel sens, ça serait toujours aussi chiant, ça serait toujours l'autoroute. Il y a quand même beaucoup de gens qui achètent facilement de la musique sans forcément se prendre la tête, qui je trouve des fois manque un peu de pertinence dans la construction de leur set. Et c'est vrai que j'essaye toujours un peu de m'emmerder à chercher des trucs qui vont être joués à des heures bien précises. Ouais. Où je vais pouvoir un peu changer les ambiances, changer tout ça. Et parce que t'es le style de DJ long. Qui n'est pas ceux d'aujourd'hui qui vont jouer 2 heures pile. Toi, tu peux jouer 3, 4, 5 heures. 2 heures pile, je fais pas. Non, mais voilà, tu refuses. Je m'emmerde. Voilà, c'est ça. Toi, faut que tu racontes une histoire. Donc, c'est pour ça que t'as besoin de matière et de tout style pour jouer à 4 heures, 5 heures et ce qui va être joué à partir de minuit. Je sais que la réponse, tu vas t'en moquer, mais tu te rends compte aujourd'hui de l'impact que tu peux avoir, toi, en tant que Laurent Garnier, quand tu vas jouer un titre dans un set. Alors, plus maintenant. Ça veut plus rien dire. Quand même encore aujourd'hui. Moi, je te dis qu'encore aujourd'hui, je vois des gens quand ils me disent, t'as Laurent l'a joué dans un truc. Voilà, le mec, t'as l'impression que c'est le buzz, que c'est numéro un, c'est le top 50. Alors, si le mec a produit ce disque-là, je sais que ça leur fait très plaisir. Mais les gens qui ont vraiment un impact aujourd'hui, et chose que je trouve assez triste, les choses qui ont le plus d'impact aujourd'hui, c'est les gens qui font des playlists sur les sites de téléchargement, style, Beatport, par voilà, exemple. Style Beatport. Moi, on n'arrête pas quand je reçois des disques, je leur dis, bah, j'aime bien, je vais le jouer. Les mecs systématiquement reviennent en me disant, ça serait bien que tu le chartes sur Beatport. Parce que je sais pertinemment bien que demain je fais une playlist, il y a plein de mecs qui vont aller acheter les disques sans les écouter, en se disant, bah, si Garnier le joue, ça doit être bien. Ouais. Et ça, c'est une connerie monumentale. Si moi je joue un disque, c'est pas parce qu'il est bien. C'est parce que moi, il me touche. Ça veut pas dire qu'il est bien pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que chacun doit chercher vraiment sa personnalité et se prendre la tête et passer des heures carrées à écouter de la musique. Mais ce qui est intéressant quand même dans ces classements et dans ces chartes de DJ, c'est que quand t'apprécies, prenant ton exemple, Laurent Garnier, tu vas aller le voir mixer très régulièrement, t'aimes bien le son qu'il joue en club, le fait d'aller chercher comme ça les 10 titres, tu dis voilà, tu vas pouvoir récupérer et trouver des titres ou bien des morceaux qui sont quand même difficilement trouvables. Non, parce qu'aujourd'hui, des disques difficilement trouvables. Non, mais de trouver le nom des artistes, des machins, donc pour les jeunes DJ, ça les aide énormément, ça. Oui, mais qu'est-ce qu'on faisait avant? Oui, c'est vrai, on passait des heures carrées dans les boutiques de disques et on l'a fait tous les deux. Mais avant, moi, ce que j'aimais dans la recherche. Ça doit te manquer, quand même. Oui, beaucoup. Moi, ce qui me manque le plus, c'est la recherche du Graal. Où on passait des heures et des jours dans des boutiques de disques, dans n'importe quelle boutique, même une boutique qui vendait pas forcément la musique qu'on aimait, on y allait parce qu'on savait de toute façon qu'à un moment dans un bac, on allait trouver le truc qui allait faire la différence. Aujourd'hui, il y a tellement de musique, c'est énorme tout ce qui sort. Je ne sais pas qui a tout écouté. Moi, j'écoute, je te dis, à peu près 1000 trucs par semaine et j'ai l'impression, quand je vais écouter des DJ, de ne connaître aucun morceau des trucs qu'ils jouent. Ouais. Mais carrément. Tu dis merde, je les reçois pas, comment ça se fait? Non, mais c'est même pas ça, c'est où est-ce qu'ils sont tous ces disques? Tu vois, où sont tous ces disques et d'où viennent tout ce truc-là? D'où ça vient? Et aujourd'hui, je pense qu'on est complètement noyé, perdu dans un flot de trucs où c'est super dur de s'y retrouver. Alors, je comprends que les gens ont envie de voir des playlists, mais j'aimerais bien qu'ils passent plus de temps, genre une nuit entière, à se dire, bah, ce soir, c'est mardi, ok, c'est mon soir, je passe ma nuit à chercher sur Internet, parce qu'aujourd'hui, tu chopes sur Internet, à chercher de la zik. Ouais. Donc, je fais tous les sites, je cherche, je me renseigne. C'est ce qu'on faisait dans les boutiques de disques. Et j'ai l'impression qu'il y a moins de gens qui le font. Les gens se baladent, vont écouter comme ça. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a moins une recherche du Graal, du truc spécial. Ça te manque, c'est ce qu'on disait. On en parle souvent avec les plus anciens qui viennent là et qu'on parle à l'époque où on allait, j'en parle très souvent encore dans cette émission. Le plaisir que d'aller justement dans plein de magasins. Ce qui manque, c'est cette passion. On prenait une journée, on allait faire les 5-6 magasins à Paris, de là on rencontrait forcément d'autres DJ. Ah mais t'as vu ce que j'ai. Ouais. Et puis tu rentrais chez toi, tu prenais le métro et tu regardais les pochettes. Non mais je le fais encore aujourd'hui. Tu vois, je suis venu à Paris la semaine dernière, j'étais m'acheter des tonnes de DVD, j'étais m'acheter des CD à la Fnac, mais des albums normaux. Ouais. Je suis rentré dans le train et pendant une heure et demie, j'ai lu les pochettes. L'album de Pete Gervais, c'est beau. Je l'ai. Et voilà, tu lis les pochettes, les crédits, les trucs, les photos. mais ça me fait kiffer encore aujourd'hui, quoi. Bon, on va écouter Laurent Garnier, notre invité ce soir dans Carte Blanche sur Radio Néo. Il a bien sûr Carte Blanche. C'est le 3. Ah, c'est le 3, pardon. Je t'ai dit le 3. Je sais, mais tu sais, c'est... Ah, mais non, c'est pas ça du tout, là. Alors, tu t'es trompé de platine. Ah, c'est pas ça. Alors, attends. Ben non, ça, c'est moi, ça. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Alors, c'est la platine du haut, Max. Ah, non, mais attends, ce qui est possible. Ah oui, tu crois que c'est ça? T'as mis deux disques l'un sur l'autre. Ouais, ça non, c'est pas ça du tout. Mis deux disques l'un sur l'autre, tu vois, c'est les choses qui arrivent. Ce qui est bien, c'est que les platines, en tout cas, fonctionnent. C'est-à-dire qu'on peut en mettre deux. Ça, c'est bien. Bah, tu peux nous dire ce que tu veux. C'est pas comme les vieux empileurs de 45 tours où tu peux jouer les morceaux les uns sur les autres. Ça redevient à la mode, attention. Dans le CD, il faut changer. C'est quoi ça? Ça, c'est un nouveau groupe. C'est deux sœurs et un frère. Apparemment, ils se produisent sur scène avec papa et maman. Ah ouais? Et ils reviennent complètement au rockabilly. Et ça j'adore. C'est bon, on écoute ça tout de suite. Carte Blanche sur Radio Néo. C'est Laurent Garnier, notre invité ce soir. C'est Kitty, Daisy et Lewis, ça s'appelle. Sur Radio Néo chaque jeudi 20h-23h sur la musique électronique. Choque, non, moi j'adore notre invité de ce soir et Laurent Garnier. C'est pas très électronique. C'est pas très électronique. Mais ce qui prouve encore une fois, voilà, t'es sur des terrains qu'on n'attend pas et tu prouves que t'es éclectique musicalement. Non, mais moi, j'ai déjà. On peut rappeler juste le nom. Ça s'appelle Kitty, Daisy and Lewis et c'est sur un label d'un DJ anglais de la radio anglaise qui s'appelle Rob de Bain. Le label c'est Sunday Best. Et à savoir, Sunday Best, ils font de la techno. C'est ça qui me plaît, tu vois. Les Anglais, ils peuvent se permettre de faire ce genre de truc-là. Alors ça, c'est quand même un groupe très actuel. C'est le papa, la maman. Apparemment, la maman, elle est à la contrebasse. T'as les deux sœurs et le frère. Tu regardes la pochette, ça sort tout droit des années 50. C'est génial. L'album entier sort des années 50. Tout a été enregistré avec le matos des années. Et ils sont tout jeunes, quoi. Et ça sonne. Ça sonne. Le fait, hein. C'est incroyable. Et c'est vrai que quand moi, j'avais 13-14 ans, le jump up blues et le rockabilly, ça a été quelque chose de très, très important dans ma vie. Donc quand j'ai écouté Stallone, je me suis dit, un retour qui me fait plaisir. Très bien. Ça me chauffe. Puisque tu parles des retours, justement, il y a des questions qui ont été posées sur Internet. Il y en a quelques-uns. Il y a Christophe de Toulouse qui dit que penses-tu que la qualité des productions sont moins bonnes que dans les années 90? Il y a un petit peu un revival des années 90 et du son des années 90. Non, pas spécialement. Je trouve que le son a énormément évolué. Le son a bougé. Je trouve pas que c'est moins bon. Je trouve que il y a autant de pourcentage de bonnes choses que de mauvaises choses comme avant. Avant, il y avait. T'as pas la nostalgie, ceci dit, des années. Je suis absolument pas quelqu'un de nostalgique. Ouais, et puis alors, surtout pas nostalgique des années 80 surtout. J'ai aucune nostalgie et je trouve que j'aurais bien voulu savoir ce qu'il essaye de dire par les années 90. Est-ce que c'est peut-être l'explosion son... de Détroit. Ouais, voilà, mais tout ça sont là, Chicago, tout ce oui, que mais moi bien. je retrouve le son et ce que j'aimais dans Détroit aujourd'hui dans certains producteurs de la musique minimale. Oui. Qui aujourd'hui c'est vachement popularisé, démocratisé, la minimale aujourd'hui c'est pas forcément de la techno, c'est beaucoup plus house, on est vers des choses beaucoup plus chaleureuses. Je trouve que les machines font qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses très bizarres dans la musique. Et je retrouve un peu comme ça des choses que j'aimais bien chez Détroit, mais il y a encore des gens à Détroit qui font des très belles choses. Ouais, il y a un autre comme ça une autre question comme j'en ai plein hein, que j'ai sélectionné par internet et après on va voir quelqu'un en ligne. Il y a Sabrina de Paris qui m'avait laissé un mail dans la semaine en demandant de te dire est-ce que tu as déjà songé à arrêter ta carrière de DJ? Non, jamais. Il y a toujours un moment où je me dis peut-être qu'il va falloir que j'arrête un jour, mais je prends tellement de plaisir à jouer, c'est tellement un kiff, c'est tellement déjà un rêve de gosse, et j'y suis arrivé et j'arrive à remplir des salles, et en plus les gens arrêtent pas de me redemander. Je me vois pas m'arrêter. Alors après, est-ce que ma carrière où va s'arrêter ma carrière et où va aller ma carrière? Je pense que peut-être que ma carrière professionnelle de DJ s'arrêtera un jour, mais jouer des disques pour des gens et les faire danser, ça s'arrêtera absolument jamais. Parce que même si je fais un dîner avec 6 potes à la maison, mariage, des anniversaires, non, mais même je déconne pas, mais non, tu vois, habitant à la campagne en ce moment, les hivers sont longs et donc des fois, hop, avec 2-3 potes et leurs femmes, ils viennent à la maison et on se retrouve à danser comme des cons assis, tu vois, à la maison jusqu'à 6h du matin, à boire des coups. Putain, t'as écouté ça, ce truc africain? Alors là, bah, et on danse là-dessus. Puis bon, j'ai plutôt une bonne sono à la maison. Je partage toujours ça. Donc qu'on soit 6 dans mon salon ou qu'on soit 3000 ou 4000, l'idée est la même pour moi. Donc je pense que t'aimes faire danser les gens. Ouais. Même pour les anniversaires de mes potes, j'emmène des disques, quoi. Il y a déjà une autre question, celle d'Annabelle d'Orléans qui me demandait aussi quelles sont les différences de sensations qu'on peut avoir en faisant une prestation derrière des platines plutôt qu'en live. Est-ce que tu sens une véritable grosse différence? Ouais, ça a rien à voir. Déjà, derrière les platines, on joue la musique des autres. On a beaucoup plus de temps. On peut rebondir à chaque morceau. On regarde à chaque morceau la réaction des gens. Et donc, on voit tout de suite si ça se passe ou si ça se passe pas bien pour un disque. Si tu continues à les embarquer aussi. Exactement. Ouais. Est-ce que j'étais trop loin? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que là, je peux les emmener autre part? Est-ce que là, c'est peut-être pas le moment justement de, allez, on casse tout, on recommence? Est-ce que je les ennuie? Est-ce que moi, je m'ennuie? Et donc, tout ça en DJ, tu peux t'as tout le matériel pour ça, tu vois, maintenant avec les CD en plus, parce que je joue des CD maintenant, j'ai l'équivalent un peu pratiquement de 17 caisses de disques, donc j'ai de quoi faire 10 heures de punk et de rock and roll, j'ai de quoi faire 8 heures de reggae. Ça c'est mieux alors. Non, mais ce qui est mieux, c'est que c'est pas mieux, je te dis juste c'est différent. En DJ, je joue déjà la musique des autres, donc ce qui donne une plus grande liberté, et on peut changer tous les moments de la soirée. C'est un peu, on a des manettes comme ça et clac clac clac, comme si on avait des marionnettes et on leur fait faire les mouvements qu'on veut. En live, on a quand même un pseudo tracklisting qui est relativement figé. Si on joue 10 morceaux, on en joue 10, si on en joue 15, on en joue 15, mais on peut pas se dire on peut le faire, mais c'est pas facile, ouais, de se dire scénario, alors quoi. Le premier morceau, on va le foutre en 5, celui-là. Alors on change ça, chaque compliqué. Soir parce que c'est comme un album, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose de logique, il faut les embarquer, mais il faut c'est les prévu à l'avance entre vous. C'est relativement prévu et après ça change d'un soir à l'autre parce qu'on se rend compte la façon dont les gens réagissent, tu vois, dans la salle. Mais on peut pas prolonger un morceau comme ça. Alors ça c'est clair, à savoir que on a joué, c'est un exemple, on a joué samedi soir au Printemps de Bourges, on a fait un set d'une heure. La veille, on a joué à Berlin, on a joué 2h20. Avec quasiment le même set, on a joué 4 morceaux en plus à Berlin, c'est tout. Mais à Bourges, on a fait OK, on condense, on n'a pas le temps, on a qu'une heure, donc on va leur donner qu'une heure, on va faire tac tac tac tac, on y va. Ouais. Donc c'était vachement énergique. Et Berlin, on est arrivé sur scène, on leur a dit de toute façon ce soir on est libre, donc on va prendre notre temps. Et donc il y a des morceaux comme Gnamakunji qui durent 15 minutes, 16 minutes, un truc comme Dealing with the Man, si on le fait, ce qui on le fait pas toujours, on arrive à 10 12 minutes quoi. Et on se fait plaisir parce qu'on les embarque comme ça dans une. Et là c'est un kiff pour toi, j'imagine, avec toute ton équipe sur scène. Si on arrive à les embarquer, c'est un vrai kiff. Maintenant le truc du live, c'est beaucoup plus fort parce qu'on joue sa musique. Donc si on arrive à retourner les gens, on les retourne quand même sur sa propre musique, donc un truc qui est quand même assez personnel. Et surtout, tu peux le faire en tant que DJ un peu. Ouais, mais j'aime pas trop. Ouais. Je joue un ou deux morceaux, mais j'aime pas trop ça. Je suis pas là pour présenter mes disques en jouant DJ. D'accord. J'en fais un petit peu. Je joue un petit Crispy, un petit Man with the. Et là, le live, c'est vrai que c'est vraiment ton son. Le live, c'est ton son. Univers. Mais il y a une grosse différence entre le live et le DJ, c'est qu'à la fin du live, je suis mort de fatigue. parce que D'accord. c'est parce que je dirige des musiciens, j'ai déjà en plus je me dirige moi, je dirige Scanix qui est à côté de moi aux machines, j'ai les deux trompettistes et saxophones à la section de cuivre, j'ai Benjamin que je dirige, ils savent jamais quand ils doivent jouer parce que c'est live. Donc on sait quel morceau on joue, on sait qu'à un moment ils ont des thèmes à jouer mais ils savent pas quand. Donc je les regarde, hop, je tourne le doigt, OK, c'est maintenant 1 2 3 4 et on y va. C'est vrai que t'en as pas mal à gérer. Bah ouais, et donc c'est super fatigant. C'est vrai, tu parlais, c'est marrant, tu parlais de Stéphane Scanix. Ben oui, c'est lui. Stéphane a mixé. C'est ça parce qu'il est là avec nous. Hein? Stéphane. Ouais, bonsoir. Oh, mon toutou. Tu vois, je te l'ai amené d'une manière, là, j'y suis arrivé, voilà. Ouais, j'ai entendu Scanix à la radio, je me dis tiens, parle de moi. Ça va, Coco? Mais... je suis désolé, je t'ai pas répondu aujourd'hui. Salut Max, salut Laurent et bonsoir à tous. Je l'ai eu cet après-midi parce qu'il va venir en tant qu'invité mais également. Il a essayé de m'appeler cet après-midi, je suis désolé Stéphane, je faisais des émissions. Ah, et... je m'en doute un petit peu. Alors Stéphane, on aura l'occasion de rentrer dans ton univers Scanix quand tu viendras, parce que tu vas venir très prochainement dans cette émission pendant plus d'une heure. L'univers de Scanix. Voilà, Scanix. Scanix. D'accord. C'est ça qu'ils disent en Espagne, c'est vrai. Scanix, c'est drôle, très bien. C'est ça. Pour dire simplement que voilà, artiste sur le label de FM Communication que Laurent avait monté avec Eric Morand. Donc c'est pour ça que vous connaissez depuis très longtemps. Et là, il collabore effectivement avec toi sur ce projet. Il est même avec toi dans la tournée. C'est bien ça, Stéphane. Voilà, même avant FCOM, en fait, on s'est connu vraiment à l'époque de Fnac. D'accord. Donc vraiment l'un des tout premiers labels électro en France. Ouais, je m'en souviens. Voilà, moi je suis arrivé plutôt sur la fin de Fnac. Je suis arrivé en 93, j'ai sorti deux maxi. Ouais. Ça, c'était le thème du premier maxi. Laurent, donc, après, c'est vrai que c'était toute l'aventure FCOM. Ouais. Alors vous êtes retrouvés à travailler ensemble. C'est pas nouveau. Il a mixé Cloud Making Machine. Il a mixé le truc de Pietragala. Il a mixé l'album live. Il a mixé cet album là. Il est sur scène avec moi. Ça fait des années qu'on fait des choses ensemble. Donc c'est pas nouveau. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui C'est vrai. Je pense aussi le truc, c'est qu'avant même de travailler ensemble, on a quand même beaucoup tourné ensemble. Vraiment au tout début d'FCOM, on allait même dans des endroits. Ah, le Brésil. Et c'est vrai que voilà, on s'est vraiment connu là. Et après, les choses se sont faites de manière assez naturelle. On s'est pas dit tiens, maintenant on va bosser ensemble, quoi. Laurent, comment tu fais pour choisir tes équipes? Par exemple, là, pour parler de Stéphane et après des autres également qu'on va mettre un peu en lumière. Stéphane, pourquoi avoir eu envie de collaborer depuis que ça dure? Pour Stéphane, Laurent déjà pour Stéphane. Moi j'aime travailler avec ma famille. Et à partir du moment où on crée des liens et on se comprend et une équipe marche, on change pas une équipe qui gagne. C'est pour ça que je travaille avec Eric Morand depuis 16 ou 17 ans. Qui t'as fondé le label FCOM. Exactement, c'est pour ça que mon agent Christian Paulet, qui était le patron du Rex, est devenu mon agent et s'occupe de mes tournées. Et d'ailleurs, il s'occupe aussi de Scanix. C'est pour ça que je travaille avec lui depuis quasiment 16 ou 17 ans. C'est pour ça que je reste très très fidèle aux gens avec qui je travaille. Si ça se passe super bien, il faut rester avec ces gens-là. Qu'est-ce qui t'a apporté dans cet univers? Qu'est-ce que Stéphane m'a apporté? Tout ce que moi je ne maîtrise pas. Stéphane, c'est un fou du matos. Avoir Stéphane avec soi, c'est avoir la sécurité. C'est-à-dire que moi, je suis très mauvais en ordinateur. Alors, je les utilise, hein, mais un ordinateur tombe en panne, je panique. Stéphane, il le regarde, il fait « Bon, alors c'est quoi ?» Et en deux secondes, il trouve le bordel, tu vois, il trouve la panne. Dans les machines, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je sais ce que j'ai envie d'entendre. Je sais pas forcément d'où ça vient, donc je vais faire écouter à Stéphane. C'est cette espèce de sérénité. Pour moi, Stéphane, c'est avoir quelqu'un d'extrêmement serein, qui apporte tout ce que moi je ne maîtrise pas. C'est un sublime ingénieur du son. Et ferme tes oreilles, Stéphane. C'est un très très bon ingénieur du son. Il m'apporte le grain que je n'ai jamais eu avant. D'accord. Je suis un très mauvais ingénieur du son et je pense que. Et 30 et même le tout premier album aurait sonné complètement différemment si j'avais travaillé avec Stéphane à cette époque-là. Donc il y a un moment, il faut se rendre compte de ses faiblesses et c'était vraiment embarquer quelqu'un de, pour moi c'est mon bras droit, quoi. D'accord. Stéphane, toi aussi un petit mot sur Laurent par rapport à cette collaboration qui dure depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Bah écoute, ouais, je pense qu'il y a trois aspects. Il y a d'abord comme disait Laurent, l'aspect humain. Je pense que il y a un moment, tu peux faire un album, enfin un projet, etc., en studio ensemble, mais quand tu commences à passer 12 heures, il y a un moment, il faut qu'il y ait, je pense que c'est vital pour Laurent comme pour moi, qu'il y ait un échange et qu'il y ait quelque chose de plus qu'une simple collaboration. Après, c'est vrai, la deuxième chose, c'est comme disait Laurent, c'est le côté technique. Laurent, c'est quelqu'un de très instinctif, c'est-à-dire que quand il se met devant les machines, c'est pas du tout pour ouvrir des docks, c'est pour faire de la musique point barre. J'adore les docs, j'adore les docs. Il fait pas des PowerPoint. Il a des docs qui ont plus de 15 ans, qui sont encore sous blister. Elles sont toutes propres. Donc, hein. Voilà, et c'est vrai que moi j'aime bien la technologie, j'aime bien le matos, j'aime bien. Vous êtes très complémentaires. Chose, le maîtriser à 100%. Donc c'est deux approches différentes, mais en même temps très complémentaires. Laurent va être à l'instinct, moi je vais être dans vraiment la maîtrise à 600%. Donc ça, c'était la deuxième chose. Il faut canaliser quand même Laurent Garnier. Il s'est un peu calmé, j'imagine. Mais oui. Moi, je le connais depuis longtemps aussi. Ça va très très vite. C'est bien les accidents. Faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça qui est super. Donc ouais, vas-y. Et puis je pense que la dernière chose, c'est aussi moi, tu vois, enfin j'ai mes projets perso depuis 15 ans où je suis tout seul en studio. Et c'est vrai que je trouve ça assez excitant de partir sur d'autres projets, de rencontrer, de travailler sur des projets qui sont pas les miens. Donc c'est toujours complémentaire et c'est toujours intéressant d'avoir une autre vision de la musique. Mais jusqu'où tu interviens, Laurent? L'expérience, c'est ce qu'on a aussi. Donc voilà, donc c'est que du bonheur. Moi, ce qui... Jusqu'où il intervient justement, Laurent, sur ton travail, quand tu commences à travailler sur une base d'un morceau musical? Non, mais je veux dire, t'en as besoin à quel moment de Stéphane? C'est-à-dire, tu lui fais écouter tout de suite les pré-maquettes et là, il intervient pour t'apporter des mélodies, des rythmiques, non, des choses comme ça? Non, pas du tout. Non. Stéphane n'a... Alors, outre le côté critique que j'aime beaucoup chez Stéphane, et donc à partir du moment où je fais de la musique, je lui envoie. Je lui dis tiens, je suis en train de travailler sur une base, j'ai un truc, je lui envoie. Après, il va me dire tiens, ça serait peut-être bien de développer ci, de développer ça. Mais en tout cas sur le disque, il a pas influencé sur le côté musical. L'idée du disque, c'était vraiment je fais de la musique en studio, et lui il est venu à partir du moment où la musique existait, et on s'est dit comment on fait pour que ça sonne le mieux possible, pour que ça sonne le plus actuel, en ayant quand même un disque qui est aussi ancré sur le passé, enfin qui a beaucoup de racines du passé. Comment on fait pour le mixer, voilà, on essaye plein de choses, et ce que moi je cherchais et ce que je veux chez Stéphane et ce qu'il me donne, c'est je lui donne tout, par contre je lui donne pas beaucoup d'informations, je lui dis voilà, écoute la musique, essaye des choses et on verra si ça marche ou si ça marche pas. Donc des fois il part sur une orientation où il va mettre beaucoup de réverb, et donc je l'appelle en lui disant Stéphane, je déteste la réverb, enlève tout ce merdier, on est parti sur autre chose. Je lui ai fait écouter beaucoup de disques. Mais c'est vrai qu'en tout cas sur l'album, proprement dit, pas sur la musique du live, parce que le live, ça a été le live, on l'a construit ensemble. Mais sur la musique de l'album, lui, il est vraiment intervenu en tant qu'ingénieur du son, avec justement cette touche qui va finir la musique et qui va la rendre intéressante. Parce que un morceau qui est mal mixé, c'est une merde. Un truc qui a pas les bons trucs au bon moment, tu vas passer à côté du cœur de ce que t'as essayé de raconter. Donc ça a été ça avec Stéphane. Stéphane, c'est quoi ton rôle justement sur scène? Vous êtes combien, tu m'as dit, Laurent, sur scène? On est 5. 5, c'est quand même pas mal à gérer, quoi. Toi compris ou... Ouais, c'est déjà pas mal. C'est quoi ton rôle exactement, Stéphane? En fait, quand on a commencé à travailler sur le live avec Laurent, vraiment le constat qui avait été fait avant et qui a été vraiment une évidence sur cet album qui est encore plus complexe et plus riche, c'est que Laurent pouvait pas, à lui seul, faire tout ce qui était possible de faire derrière les machines. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment être deux. Et ce qui en plus rétablissait un espèce d'équilibre entre la partie musicien, il y a trois autres musiciens sur scène, et la partie purement électronique, où là maintenant on est deux. Donc c'était un peu ce qu'on... C'est vrai qu'avant l'album on en avait discuté, on avait parlé de ça, et du coup je pense que maintenant l'ensemble est beaucoup plus homogène et beaucoup plus équilibré. L'album, quand il réfléchit. Laurent, quand tu le conçois, j'ai même que tu as fait plein de morceaux, tu en as choisi, parmi ceux que tu as choisi, tu penses scène automatiquement vraiment maintenant comme un artiste? Pas du tout. Dis pas, je le fais en même temps. Comment ça va sonner sur scène? Alors, qui va faire quoi? Comment? Non, pas du tout. Non, je fais de la musique et c'est ce qui a été très difficile, parce que déjà je travaille pas sur les mêmes logiciels quand je fais de la musique chez moi et quand je travaille sur scène. Et puis on avait fini l'album quand avec Stéphane on s'est assis à la maison et on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on prend en live avec nous? Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. Donc tu repars plus ou moins à zéro. Ah mais on a refait l'album entièrement. C'est-à-dire que... Si je peux apporter une petite précision, c'est vrai que moi. Oh, ça va, ça va. C'est quand même très très appauvrissant de faire de la musique en studio en pensant déjà à la scène. Je pense que comme disait Brian Eno, et qui est une phrase super intéressante, il disait voilà, si un album est facile à refaire sur scène, c'est qu'on n'a pas vraiment utilisé tout le potentiel du studio. D'accord. Et je pense que voilà, il y a un moment pour le studio où faut vraiment aller faut bricoler, faut faut vraiment essayer d'exploiter le fait qu'on peut refaire les choses. L'album reste une base sur laquelle on va s'appuyer pour refaire un travail pour du live. Tout à fait. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que si tu prends un morceau dans l'album qui s'appelle Bourpif, le morceau a existé il y a une bonne année parce qu'au mois de mai, il était déjà fait, parce que je l'ai joué pour la première fois, je l'ai joué pour la fermeture du Yellow à Tokyo. Donc ça, c'était au mois de mai l'année dernière. Et quand j'ai commencé à bosser sur le live, j'ai fait une nouvelle version. Et qui était tellement bien où j'ai rappelé la maison, gravez pas, on va réenregistrer la version de l'album parce qu'elle est quand même moins bien que la version du live. J'ai trouvé quelque chose de nouveau qui change le morceau, qui le fait respirer à un moment. Et donc j'ai passé un an aussi entre le morceau où tu l'as diffusé. Ouais, et il reste, c'est-à-dire que la base du morceau est toujours la même, mais il y a un moment au milieu où j'ai changé un truc et moi je me suis dit putain ça respire. C'est là où le morceau, ok on a compris, ça a respiré quoi. Et donc il faut ça change toujours. Je pose cette question-là parce que dans l'électronique, hein, Stéphane et Laurent, et pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'on va aller voir un artiste. Donc on dit tiens, c'est du live. Donc on s'attend à ce que la musique électronique, généralement, voilà, quand elle est faite en studio, après quand on va la voir sur scène, ça y ressemble beaucoup. Alors que là, t'es en train de bien nous faire comprendre, et parce qu'il y a des artistes sur scène qui viennent jouer des instruments que entre l'album qu'on va écouter, l'univers sera là, mais qu'une fois arrivé sur scène, il faut s'attendre à ce que le morceau, voilà, l'ambiance soit très différente et la mélodie. Heureusement. Non, mais c'est pas forcément flagrant dans les artistes. Tu prends la musique électronique, des Underworld, des machins, t'écoutes le, tu vas les voir en live, tu vois, machin, c'est pareil. Oui, mis à part qu'ils vont faire 10 minutes au lieu de 8. Oui, mais c'est pareil. Mais ce sont des lives qui sont très écrits. Nous, le nôtre, il est écrit à partir du moment où il y a une boucle qui tourne, et à partir de cette boucle, on peut en faire 15 minutes, mais tous les solos sont pas écrits. Et en tout cas, il y a une espèce de base qui est écrite, mais il y a tellement de liberté sur ce qu'on fait, et j'ai envie de ça. Moi, j'ai envie de me casser la gueule des soirs, parce que ça fait du bien de se casser la gueule, ça te remet en place, et tu dis, ok, comment on fait demain pour pas se planter? Et le live, il a déjà changé, on a dû faire 12 dates, je pense qu'on a pas fait un seul soir avec exactement le même track listing dans le même sens. Donc on n'a pas le temps de se lasser, je parle. Alors nous, on cherche, ça c'est sûr qu'on cherche encore, on est en train de trouver là, ça y est, on a fait deux très bons lives, là, je sais pas si t'es d'accord Stéphane, mais je pense qu'on a fait deux très bons lives la semaine dernière. Non, c'était très bien. Et enfin, on se trouve, mais même moi avec Stéphane, ça fait des années qu'on travaille ensemble, c'est quand même super dur. Je demande à un mec qui a son propre live, qui fait sa propre musique, de venir me soutenir moi sous mon nom et d'exister autant, parce que j'ai quand même des musiciens qui envoient vraiment la monnaie, tu vois. Tu vas en parler après, faut quand même que tu les cites parce que... Non mais on va en parler après, mais j'ai des musiciens qui envoient vraiment la monnaie, il faut que Stéphane il ait sa place, il faut que les gens comprennent pourquoi il est là, et c'est dur pour lui, il faut qu'il prenne sa place aussi, tu vois, dans le live, donc c'est compliqué ça. Laurent, ce que dit Laurent, justement, Stéphane? Ouais, enfin... Peut-être une petite réaction? C'est vrai que j'ai tellement été là depuis le départ au niveau de l'album, c'est-à-dire que même avant que Laurent commence la compo, c'est vrai qu'on faisait une espèce de brainstorming où on parlait du matos, etc. à utiliser. C'est vrai que les musiciens sont arrivés un peu plus tard, donc moi je me sens déjà très à l'aise avec la musique, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de bien la connaître et... Tu sens que c'est ton projet aussi, quoi? C'est pas mon projet, mais je veux dire, j'ai été là depuis le départ, donc c'est vrai, ça fait partie du projet, ça c'est clair. Moi, je me sens assez à l'aise. Après, c'est vrai que ce dont Laurent parle et qui est vrai, c'est la place sur scène où tu as des musiciens qui peuvent envoyer 20 notes à la seconde. Et moi, je suis derrière des boutons, donc c'est toujours c'est moins visuel pour le public toujours. Ouais. Quelqu'un derrière les machines. Donc ça, c'est toujours la difficulté par rapport à des musiciens. Tu vois, quelqu'un qui est derrière une batterie ou derrière un clavier, on comprend beaucoup plus ce qui fait que quelqu'un qui sera derrière des... Comment ça se passe justement, Laurent Garnier, sur scène, enfin le live, t'es disposé de quelle manière? T'es au milieu de tout ça, tu fais un peu le chef d'orchestre, les machines, derrière une console, et puis j'ai des machines, Stéphane est à ma droite, j'ai un petit clavier à ma gauche, donc je peux jouer des choses aussi. Stéphane, en fin de compte, ce que lui gère, c'est tout ce qui est super compliqué, c'est tout ce qui est super lourd dans le live. Moi j'ai tout pratiqué. Pourquoi si ça plante, c'est pour sa gueule? Non. Ouais, en gros, c'était pas de ma faute. Non, c'était de ma faute. Ah bon? Mais comme de toute façon mon ordinateur dirige le sien, quelque part, si ça plante, c'est de ma faute. Donc, de toute façon, je prends la faute, c'est de ma faute. Non, toujours est-il que moi, j'ai tout ce qui est partie rythmique, donc comme ça, je peux construire. Et à partir du moment où moi, j'envoie des boucles, j'ai quelques basses, mais lui, il a tout ce qui est beaucoup plus compliqué dans les sonorités. D'accord. Et tout ce qui se file, tout ce qui s'ouvre, tout ce qui se ferme. Donc, il a vachement de boulot. Il a beaucoup de choses qui sont compliquées à gérer. Et comme de plus en plus, je gère les musiciens et on fait de plus en plus des morceaux en live, vraiment, qui sont complètement improvisés. Donc là, c'est des jeux de regard. C'est des jeux de regard, c'est des signes. Et j'avais besoin, moi, de me libérer de cette contrainte technologique. Et c'est ce que j'ai dit à Stéphane. J'ai dit, moi, j'ai besoin de me libérer et j'ai besoin d'avoir une personne à ma droite où je peux à la rigueur le laisser 20 secondes. Je peux aller voir un musicien, lui chanter un truc dans l'oreille pour qu'il le joue. Et puis, puis je puisse aussi aller engueuler Stéphane en lui disant allez envoie la monnaie maintenant, c'est maintenant, ouvre les trucs, et c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est vraiment un live super instinctif. Et je pense que sur ce live tu lèves la tête, alors que sur les lives d'avant où t'avais toute l'électronique à gérer, t'étais dans ton ordinateur, ouais. Un peu à l'instar de n'importe quel live électro aujourd'hui, ouais. Où t'es seul, t'as tout à gérer, donc tu peux pas, voilà, j'ai beaucoup plus de liberté. On a l'impression que quelqu'un qui check ses emails, c'est horrible à dire, mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de liberté. Oui, c'est sûr, parce que finalement les lives, moi j'ai eu l'occasion de te voir aussi Stéphane à l'époque, c'est vrai que ceux même qui avaient les machines, c'est comme un DJ quoi, sauf qu'au lieu d'avoir le nez plongé sur ses platines ou ses CD, bah c'était devant son ordi. Ça peut être chiant. Quand j'en ai vu quelques-uns de live, peu importe les artistes, mais c'est moi, ça a toujours été mon angoisse pour vous, c'est vrai, ces machines, parce que si ça plante. Ah mais on a eu contrairement à un instrument, bon à part si la corde pète d'une guitare, on a eu des tonnes de plantades déjà. C'est dramatique malgré. Là on a fait 12 concerts, je pense qu'on a eu déjà 6 ou 7 plantades. C'est des quoi, des petites plantades? Anecdotique ou c'est gros? Ont été perçus vraiment par le public. Il y en a une ou deux qui étaient vraiment flagrantes. Notamment, il y en a une qui a été très perçue par le public en Allemagne il y a 15 jours quand même. Ça c'est intéressant parce que 10 minutes c'est long quand même. Hein. Stéphane est en train de dire qu'il y en a certaines où vous le savez parce que vous êtes voilà, c'est comme quelqu'un qui va faire une fausse note, des fois on n'aperçoit pas, mais il y a des trucs qui sont voilà, ça s'arrête ou il y a plus. Le matos c'est l'enfer, c'est déjà ça casse. Le problème, ça, c'est la hantise, j'imagine. C'est l'enfer et aujourd'hui justement ce qu'on a fait nous sur le live, on a tellement synthétiser, on a tellement rendu les choses minimales sur ce qu'on utilise qu'il y a un truc qui pète, on est mort. Il y a plus de live. Donc ça devient un peu. À l'époque, tout le monde, les mecs emmenaient 20 machines, donc à la rigueur, t'en as que 19 au lieu de 20, ça va. Mais aujourd'hui, on a tellement minimisé tout ce qu'on emmène que là, il y a une télécommande qui pète, on est vraiment dans la merde. Il y a le peu de trucs qui pourraient casser, on est dans la merde. Donc ça, c'est une hantise. Ce que j'ai fait, la connerie que j'ai fait le soir dont il parlait, j'ai quand même débranché la carte son en plein milieu du live. Ben oui, je voulais attraper le micro, j'étais super heureux, tout le monde était super super à fond en train de jouer Gnamakunji. Ah, c'est un mauvais geste. Et j'avais juste envie de dire can you feel it, et puis là j'ai pris le micro et j'ai juste éteint le son. Il y avait 7000 personnes dans la salle, on a mis 10 minutes à pouvoir repartir parce que débrancher une carte son en plein milieu du live, c'est rééteindre l'ordinateur, tout rebooter, c'est un enfer. Donc là je peux dire que je me suis retourné vers Stéphane, fait bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là j'ai présenté un musicien, deux musiciens, trois musiciens, ils ont commencé à jouer comme des cons, tu vois, sur le rose, et puis Philippe au sax, et c'était long. Hein, on va parler avec Steph et Laurent. T'as des artistes, c'est le moment peut-être d'en parler justement, parce que c'est des balèzes hein, que t'as autour de toi, hein, les musicos. Peut-être les citer rapidement. Il y a Benjamin Ripper au clavier, qui joue du clavier, qui joue de la guitare. Il y a Scanix aux machines et à la guitare. Je savais pas ça. J'attendais. Et j'ai une section de cuivre, donc j'ai Philippe Nadeau de Man With A Red Face qui est avec moi depuis quasiment 12 ou 14 ans. Et le petit nouveau qui est là depuis 2 ans et demi, qui est Philippe Anico, qui joue de la trompette, du trombone, il joue des coquillages, il joue des choses comme ça. Quand on repense au live là de cette tournée, donc de cet album qui, je le rappelle, sort le 11 mai, donc c'est la semaine prochaine. J'ai relu dans ta bio, je me souviens, t'as été le premier à faire de la musique électronique, un live, c'était à l'Olympia. Ce que j'ai pu lire dans la bio, mais je crois qu'on en avait parlé, où t'étais arrivé, où les techniciens étaient très moqueurs sur cette musique-là, qui dédaignaient que c'est de la musique de merde. Ouais. Toi, tu reconnais que c'était un endroit entre 98, là, ce moment où t'as la victoire, t'as tout, t'as l'Olympia, enfin, t'as la consécration totale, et aujourd'hui, c'est, voilà, 98, 2008, 10 ans, 11 ans. Mais là, aujourd'hui, t'es en live. Ce qui me fait assez plaisir, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un festival comme les Printemps de Bourges, parce que c'était la semaine dernière, sur les 3 jours, il y a quand même quasiment une bonne dizaine de musiciens qui font de l'électronique. Donc, c'est une musique qui existe, qui 20 ans après est là, et bien là, parce que là, justement, samedi soir, entre nous, Miskitine, Yuxek, il y avait les Birdie Nam Nam, après il y avait je sais plus qui en DJ, après enfin c'est maintenant ça fait partie intégrante de toutes les programmations. Les Birdie Nam Nam, c'est en plus des DJ qui viennent du hip hop qui font de la techno aujourd'hui. Oui, voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui on est allé là-dessus. Quand on existe au Festival Jazz de Montreux, quand on existe aux Eurockéennes, quand on existe partout et à la télévision sur des génériques un peu partout, c'est une musique aujourd'hui qui existe partout. Ça me fait assez plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans t'allais à l'Olympia, c'était qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier que leur musique de merde. Mais pas qu'à l'Olympia, hein, je veux dire, c'était quand même la chasse aux sorcières pendant longtemps, notamment en France. Non, mais l'Olympia, c'est symbolique, quoi. C'est vrai que tu le disais, c'est Brel, c'est Piaf, c'est tout ça. Mais comme le Festival Jazz de Montreux, c'est ce que j'utilisais, des endroits symboliques comme les Eurockéennes et les Festivals Jazz de Montreux. On a joué là-bas, on joue là-bas, on joue d'ailleurs aux Eurockéennes encore cette année. Ça, c'est symbolique, ça fait plaisir. On parlait des dates, justement, hein, t'as parlé des Printemps de Bourges, Laurent. Il y a les Nuits Sonores, ça, c'est le 20 mai à Lyon. À Paris, le Bataclan, ça aussi, 20 mai. C'est des rendez-vous, il n'y a pas plus d'importance de festival ou à Paris, c'est des dates clés. donner des dates sympa, ça. Ça va être sympa. C'est jouer à la maison. Pour... C'est sortir l'album. On joue à domicile. Bah oui, non, mais on joue à domicile. Et puis, et puis surtout, on joue avec les potes. Il y aura Goria, il y aura DJ Deep. Voilà, ouais. ça va être très sympathique. C'est un peu, se faire plaisir et se dire, tiens, on se fait une petite fête pour nous. Tu fais des gros festivals, hein. Il y a les Eurocaines, évidemment, ouais. À venir. Festival électro également à Uzès. C'est bien ça. C'est le 9 août, ça. Puis il y en a plein d'autres, hein. Tout ça, c'est sur les sites internet. Le festival de Jim Peterson à 7. Ça, c'est vachement bien. Après, on fait plein de trucs en Europe, quoi. Ça, c'est, voilà, t'es très friand de ce genre de gros festival énorme, jouer devant 5, 10, 15 000. Alors, tu vois, j'aime pas en DJ, mais j'adore en live. Ah ouais, t'aimes pas en DJ? Non, j'aime pas les gros festivals en DJ. Mais non, parce que jouer 1h15, ça m'emmerde. Qu'en live, on peut raconter quelque chose. Moi, je t'ai vu, mais les Laurent Garnier avaient le droit un peu plus. Ils avaient le droit à ces 2 petites heures, quand même. Ouais, par rapport à ceux qui avaient 45 minutes. Ouais, je sais, mais 2 heures, c'est quand même, c'est très réducteur sur le truc DJ, je trouve. Mais une énergie. Mais tu travailles que sur l'énergie, ce qui est un peu dommage. Moi, j'ai envie d'avoir plus de choses que ça. Quand il y avait les grosses rêves, là, j'ai lu encore dans la bio, je me souviens, j'ai vu, j'y étais, moi, toutes ces soirées des années, ouais, 95, 98, jouer dans des grands hangars comme ça, même si tu jouais 2 heures, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais je suis pas nostalgique, donc, au bout de 20 temps, je peux te dire, je préfère jouer 7 heures dans un petit club de 500 personnes que jouer 2 heures devant 10 000 personnes en DJ. Ouais, par contre, c'était des années aussi où il y avait un combat à mener, où la musique différent. Électronique était ni présente en télé, ni en radio, etc. Donc il y avait vraiment quelque chose à défendre. Aujourd'hui, le combat, c'est pas le même, quoi, forcément. C'est pas du tout la même chose, ça c'est clair. On allait planter des drapeaux, c'est ce qu'on se disait. Avant d'écouter un petit son, et Stéphane, avant de se quitter, quand même, juste toucher un petit mot aux auditeurs de Carte Blanche en EOM, ta petite actu, rapidement, juste savoir où tu en es, qu'est-ce qui se passe en dehors du projet avec Laurent, de ton côté? Eh ben, écoute, j'ai eu quelques singles qui sont sortis sur les 6 derniers mois, notamment un sur le label Art House. Ouais. Après, j'en ai eu un qui est sorti en novembre sur Initial Cut, qui est un label parisien que j'aime beaucoup également. Et le dernier en date, c'était le maxi qui s'appelle Midnight, d'ailleurs avec un edit de Laurent, sorti sur Scriptum. Et puis là, je prépare des nouveaux maxi et je me remets sur mon 3e album. Voilà. D'accord, très bien. J'étais en train de regarder on la date. On en parlera de façon on se voit dans 2 semaines. Oui, c'est ça, dans 2 semaines. Voilà, exactement. Voilà. C'est ce que avec moi dans 2 semaines. Si, mais il viendra enregistrer dans la journée. Justement. On avait une date, Stéphane. Ah merde. C'est vrai? Non, c'est des conneries. Non, parce que je sais que vous allez revenir à Paris. Je crois que vous allez faire pour la télé 2-3 bricoles, ouais. Et tout. Voilà. Donc à cette occasion, il viendra ici dans les studios. Et je tiens à le dire, ça sera pas en la veille, la télé. Voilà, ça sera enregistré et comme ça après, on pourra profiter de ce qu'il y a. On va faire du pay TV en live. Ah oui. Ouais. C'est bien ça. Bien sensuel. Ça va le faire. Merci Stéphane. Hein. Ouais, merci à vous et puis. Salut Steph. Profite bien de ce long week-end de 3 jours. Bon, on s'appelle demain, hein, Stéphane. On s'appelle demain. Bye. Salut et bisous Steph. Salut, ciao Scanix. Donc à l'instant même Laurent Garnier, notre invité dans Carte Blanche. Et bien sûr, Carte Blanche à la musique de Laurent et sa programmation est là. Alors ça, c'est un grand prêcheur de l'éclectisme qui vient de Détroit. C'est Detroit Grand Pouba qui a fait un morceau complètement improbable qui s'appelle Breakfast in Bed. On écoute ça tout de suite. Laurent Garnier, notre invité dans Carte Blanche sur Radio Neo. Encore quelques minutes. Let's have breakfast in bed. to you. So you had a good time last night? Yeah, well, so did I. Yeah, me too. Yeah, that was real, that was nice. So, I'm still hungry. You too? Well, look, there's no need to get out of bed, 'cause the buffet is right here. You got it. Of you if you make a mess. I like to play with my food too. Don't get too rough. That's it. That's it. Il est fou ce garçon, je parle de Laurent Garnier, parce que non, sa programmation est éclectique, mais dans le bon sens du terme, Laurent. Pouba, c'est ouais, lui non, mais fou. Je sais que c'est fou dans le sens où voilà, c'est toujours une programmation, tu nous surprendras toujours. Ouais, écoute, j'ai choisi j'adore. Ça, alors je vais dire pour deux choses. Déjà, c'est un des plus fervents défenseurs de la musique éclectique, et c'est quand même un mec qui vient de la techno à la base, qui a fait beaucoup de choses un peu booty house, et qui est quand même un personnage assez incroyable. Je sais pas si tu l'as jamais vu jouer sur scène, non. Mais il joue quasiment à poil avec une grosse couche, et une grosse couche. Et donc le mec qui est à côté a toujours un masque, et son nom c'est Dr. Booty Grabber, et tout le truc c'est je suis le docteur, tu vas t'allonger devant moi, je vais te taper sur les fesses, si ça bouge bien ça va me brancher. Il est bien barjot lui, et donc voilà, j'adore son univers. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a un morceau dans l'album qui s'appelle No Music, qui aurait dû à la base, parce qu'il y a eu un autre morceau avant qui devait être un morceau un peu P-Funk, donc comme le No Music de l'album, et c'est lui qui devait faire les vocaux. D'accord. Donc il a été à un moment impliqué dans l'album, on l'a pas fait, on n'a pas pu le faire, ça a été compliqué parce qu'il avait un album qui sortait, je pense qu'il avait pas envie de d'être présent sur trop de trucs, chose que je comprends tout à fait, mais il y a un moment où il devait être présent sur l'album, donc c'est pour ça que j'avais choisi ça, puis j'aime beaucoup ce morceau. Très bien, Laurent Garnier, notre invité ce soir dans Carte Blanche sur Radio Néo. Tu parlais de ce DJ qui finit quasiment nu, et puis il y avait Anne-Sophie de Tours, il y a une question comme ça qui me vient, qui me fait de plus en plus de DJ. Est-ce que t'es nu, Non, elle disait qu'il y a de plus en plus de DJ qui font des performances. Comment tu vois toi l'évolution, Laurent? Gagner des DJ. Bah, c'est-à-dire que maintenant, ils ont du live, ils ont machin, ils peuvent faire tellement de plus de choses que La technologie fait qu'on peut faire plus de choses. Ouais, mais voilà, tu trouves ça plutôt appréciable. Moi, génial. Ah oui. Moi, je sais pas pourquoi j'avais un souvenir à l'époque où on travaillait ensemble. Je me souviens d'un Laurent Garnier où, malgré les nouvelles technologies, mais bien avoir ces deux platines vinyle. J'adore le vinyle. Et enchaîner comme il le faisait aussi bien, les bons sons au bon moment. Mais c'est ce que je fais avec fait. Du CD. Oui, mais ce que je veux dire par là, peut-être ce qu'elle voulait dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on y met des effets dans tous les sens, fait des trucs, voilà. Le résultat est bon, ça c'est autre chose, mais je pense que la technologie nous a permis déjà d'entendre ce qu'on écoute aujourd'hui, nous a permis à ce que la musique ait extrêmement évolué, a beaucoup beaucoup évolué dans le monde de l'électronique, puis d'ailleurs partout ailleurs, mais je trouve que c'est très bien, et ça dépend comment on l'utilise. Après il y a des gens qui utilisent plein de choses, et toi quand t'es sur la piste de danse, ça donne rien, ça rend rien. Alors t'as des gens comme Kevorkian, on revient sur François justement, est-ce qu'on en a parlé de lui tout à l'heure? Tout à l'heure, ouais. On a parlé, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, donc je sais plus à qui j'ai parlé de quoi, mais on a parlé de François. Et je trouve que la dernière fois où j'ai joué avec lui, il avait tous ses effets et il crée un truc énorme. Et c'est vrai qu'il retourne des dance floors dans la façon dont il utilise ses effets. Donc je trouve que ça, c'est vachement bien utilisé. Après, t'as d'autres gens qui utilisent quelques effets, quelques petits trucs, et t'entends pas la différence. Donc là, je me demande si vraiment c'est pertinent tout ça. Il faut apprendre à connaître les machines, quoi. C'est important quand même. Ouais, alors c'est pas moi qui peux dire ça, parce que je suis nul là-dessus. Mais bon, je connais quand même bien mes machines. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je mets du temps à les apprendre. Mais je pense que quand tu utilises quelque chose, alors moi ce que j'aime bien c'est la table, c'est la pionnière là où il y a les effets, et ça je m'éclate bien avec, parce que les effets sont simples, ils sont sobres, par contre quand tu les utilises vraiment tu l'entends. Ouais. Et je pense que tu peux vraiment te marrer avec ça. Donc je les utilise pas trop parce que trop tue un peu la virgule qui peut être intéressante. Mais je sais que toi t'aimes bien respecter au plus bon là le morceau que tu passes. Généralement ouais, l'artiste il y a quand même son univers, donc tu ouais, veux pas trop. J'aime bien garder les morceaux en entier. Je suis pas, je découpe pas. Je fais pas partie de la génération qui découpe tout. Ouais. La génération du zapping. Là. On a parlé très brièvement tout à l'heure. On a un petit peu plus parlé hors antenne. On parlait de la nouvelle technologie, donc l'arrivée des CD. Laurent Garnier il a mis du temps à passer justement du vinyle au CD par exemple, rien que ça. J'ai mis beaucoup de temps. Ouais voilà, tiens je vois. Mais je suis arrivé à il y a à peu près, je crois que c'est il y a un an et demi où j'ai vraiment switché. Bah c'est à l'époque, alors je vais dire la première soirée où j'ai joué que du CD, c'est le soir où j'ai joué au Panorama Bar à Berlin où j'ai signé Back to My Roots. D'accord. C'est à cette période-là. C'était le premier soir où Christian m'a dit ouais. Alors mon agent il m'a dit on verra. Je demande encore des platines hein, parce que je lui dis non c'est bon. J'ai changé. J'ai passé à autre chose. Il y croyait pas. J'ai tenu. Pourquoi t'as mis autant de temps? Parce que j'aimais toujours le vinyle et puis parce que je recevais toujours autant de vinyle et puis il y avait beaucoup de choses encore qui sortaient en vinyle qui ne sortaient pas encore ni en digital. Non mais t'aurais pu les graver sur un CD tout simplement. J'aurais pu mais j'en avais encore beaucoup. Et puis il y a un moment où je me suis retrouvé dans quasiment 80% des salles où les mecs me regardaient arriver avec des vinyles en me disant mais t'as encore des vinyles? Et on s'est retrouvé à des moments où les ingénieurs du son, comme il dealait de moins en moins avec des DJ qui avaient des vinyles, l'emplacement des platines avait changé et surtout à chaque extrémité, ça devenait un peu bordélique, donc tu commençais à avoir de plus en plus de rumble, c'était mal placé donc ça sautait et je me suis fait quelques gigs il y a 2 ans où c'était un peu la merde et donc je me suis dit peut-être qu'il va falloir que je passe à autre chose. Et le truc, j'ai pensé, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Tractor, patin. Il y a ça, les ordi, tout ça. Je me suis dit, non, moi, j'ai envie de passer au CD, parce que j'ai toujours envie d'avoir ce côté. Mouvement de tactile. Les disques, et je les ai rangés comme ça, je les ai pas en classeur, ils sont rangés les uns après les autres, donc je travaille exactement de la même façon, et je les range exactement de la même façon dont je les rangeais dans mes caisses de disques. Comment tu t'y retrouves, justement? Parce que, on a souvenir, les anciens, quand on avait les vinyles, t'avais un vinyle, tu l'avais à peine écouté dans l'après-midi, t'avais juste coché à rigueur pour savoir quelle bonne face. Tu faisais un dessin. Oui, non, mais tu savais en la pochette, tu l'as regardé, t'avais mémorisé avec le son. Qu'est-ce qu'il y avait musicalement? Là, il y a juste écrit, il faut se souvenir par contre les noms des artistes, les machins. Non, alors ça, moi, j'y arrive pas. Il faut être beaucoup plus dur sur sa façon de les ranger. Et après, j'ai beaucoup plus de sous-sections. C'est une organisation, ça. Hein. Ouais, bien sûr. Mais j'ai beaucoup plus de sous-sections dans mon rangement que ce que j'avais avant. Avant, je partais de Deep House, j'allais à Art Techno. Ouais. Maintenant, je les ai sous-sectionnés sous box 1, box 2, box 3. Alors, box 1, je sais que c'est vraiment les débuts de soirée. Box 2, ça commence à être un peu housey, mais comme ci, comme ça. Box 3, je sais que c'est les milieux de la soirée. Puis après, il y a les box 3A, box 3B. Enfin, ça devient une espèce de casse-tête chinois. Même quand t'es dans tes box, une fois dedans, quand tu regardes juste les noms des artistes, c'est les pochettes où tu te repérais. Tu savais le son. Avant, dans une caisse de disque, on avait en gros 90 vinyles. Ouais. Aujourd'hui, avec les CD, je me retrouve à peu près avec 2500 morceaux. Et donc là, ça devient très compliqué. Donc je passe encore plus d'heures à tout réécouter. Donc c'est un avantage, évidemment, puisqu'aujourd'hui, tu vas n'importe où, voilà, tu peux t'adapter. Ouais, t'es prêt. Et ce côté, avant, comme on disait au Ranton, on en parlait, on a déjà parlé avec des DJs, ce côté cérémonial, cette cérémonie de la veille, choisir les bons disques qu'on met dans les bacs, 80, c'est pas 82 disques, ça peut pas. Ouais. Où tu te dis, je reprends un autre en bandoulière avec 20 de plus au cas où. C'est ça, c'était parce que tu reprenais une bandoulière, t'en avais 20 de plus. Oui. Et c'était difficile. Tu remplissais les sacs, quoi. C'était dur pour le dos, quand on rentrait tout de suite après les avions. Aussi les pertes de, j'imagine. Et tu pouvais les perdre, c'est ce que j'allais dire. Alors que là, tu les as perdu plusieurs fois. Tu les as avec toi. Mais voilà, il y avait ce côté, t'arrivais, puis il fallait faire avec. Oui, mais ce qui est génial aujourd'hui, c'est que tu peux bosser à l'hôtel avant d'aller jouer, tu peux graver des disques avant d'aller jouer, donc tu peux toujours avoir des choses très fraîches, tu peux travailler dans l'avion, tu peux travailler en allant à l'aéroport, t'as un ordinateur portable pour pouvoir graver des CD et t'as un espèce de CD Discman où tu peux écouter tous tes disques, là tu peux travailler n'importe où, n'importe quand. C'est quand même assez génial parce qu'avant c'était lourd, il fallait être dans un endroit où il y avait une platine, enfin c'était compliqué. Là j'utilise mon temps en avion qui était quand même beaucoup des heures carrées perdues, maintenant je travaille. On a un petit questionnaire qu'on fait à chaque invité, très simple, c'est j'aime pas, et tu me dis si t'aimes ou après tu expliques en deux mots, t'aimes pas que le réveil sonne le matin à 7h. Je m'en fous. Je m'en fous. Faut dire se lever tôt. Alors, détestais ça et ça ne me fait plus rien parce que maintenant, si je le fais, c'est pour emmener mon fils à l'école et c'est des choses assez sympathiques de la vie. Donc ça va beaucoup mieux ça. J'aime pas faire le marché le dimanche matin. J'adore ça. Ah, mais par contre, je fais pas le dimanche. C'est pas le dimanche chez moi, c'est le vendredi. Ah, c'est le vendredi chez vous. D'accord. Ouais, j'ai toujours aimé aller faire les marchés. Je trouve que c'est des vrais moments populaires très agréables. T'es le deuxième, je crois, de tous les DJ que j'ai vu ici qui disent ils aiment pas faire le marché. Il y en a un ou deux qui ont kiffé ça. Ouais. C'est génial. d'aller acheter des bons légumes. Puis alors en plus je suis dans une région où les légumes sont absolument géniaux et tout, et en plus chose qui m'a énormément changé de Paris, je vis avec les saisons. C'est con hein, ce que je te dis. Non mais c'est con ce que je te dis. T'achètes mais les fruits quand il faut, les légumes quand il faut. Mais je bouffe pas des tomates toute l'année. Ouais. Et je peux te dire que là, on arrive bientôt à la saison des tomates. Je peux te dire que là, je les attends avec impatience. Et ça, c'est un vrai bonheur d'avoir découvert ça. Tiens, pour Laurent Garnier, j'aime pas rester à la maison à regarder la télé. Oh, j'aime bien une fois de temps en temps. Ouais, ça me plaît. Ouais. C'est quoi genre de programme dans ces cas-là que t'aimes regarder? Je regarde pas la télé, je regarde des films. Je regarde très très peu la télé. Je regarde des films. S'il y a une émission que je regarde à la télé, c'est l'émission de Deniso. Voilà, ça c'est une émission que j'aime beaucoup regarder. Le Grand Journal. Ouais, j'adore cette émission et je la regarde quasiment quand je suis à la maison tout le temps. Pas en entier, mais je prends une bonne heure de cette émission quasiment tous les jours si je suis là. Et sinon, je regarde que des DVD. Je regarde jamais la télé. En continuant dans cette réflexion, à la télé avant il y avait de la musique. Aujourd'hui, il y a plus de musique du tout. Ah bah là, quoi. Il y a plus rien. Il y a plus d'émissions musicales. Il y a plus de clips. Ça, il faut avoir la TNT, voire même il faut s'abonner en plus. Non, mais c'est avant, une catastrophe, ça, la musique dans les médias, enfin la télé. La musique en général dans les médias, c'est une catastrophe parce que les choses sont devenues extrêmement aseptisées. Enfin, tu connais mon discours là-dessus. Hein. Ça n'a pas changé. Sans concession. Non, mais ça l'a toujours été parce que même à l'époque, déjà, c'était déjà le cas. Les gens comprennent pourquoi tu dis sans concession. Explique. Non, parce que tu faisais une émission qui s'appelait Sans Concession et t'as tout. Déjà, toi, Laurent Garnier est sans concession, parce qu'on l'entend depuis le début de l'entretien, hein, t'es toujours là où on t'attend pas, la musique de ce soir que tu nous proposes. Ouais, c'est des trucs. Dans les soirées, quand même, si, tu prends des risques tout le temps, les albums. Ouais. Et puis voilà, t'es sans concession, c'est-à-dire que voilà, t'aimes pas, et quand il y a un truc qui va pas, voilà, tu le dis. Donc, oui. Et puis il y avait une émission, que tu faisais qui s'appelait Sans concession aussi. Tout à fait. Voilà, mais je pense que l'univers audiovisuel sur la musique, c'est extrêmement appauvri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit on peut même pas jouer votre morceau parce qu'il rentre pas dans le moule, parce qu'il fait pas 3 minutes 30. C'est à dire que même si aujourd'hui le peu d'émissions de télévision où ils acceptent des groupes une fois de temps en temps, ils n'acceptent pas le fait que ça fasse plus de 3 minutes 20 3 minutes 30. Si t'as 4 minutes, alors là t'as décroché la timbale quoi. C'est l'équivalent que quand tu vas dans un festival où le mec te dit il faut jouer 1h15 et après il faut passer à un autre. Ouais, quoi. Mais après tu peux faire que 3 morceaux en 1h15. Oui, remarque si tu veux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une bonne réponse. Tiens, tu parlais de téléchargement. Là, c'est la loi qui tombe. Est-ce que ça te fait doucement rigoler? Est-ce que t'es paniqué par ça? Est-ce que t'es révolté en te disant, mais ça aurait dû faire ça il y a 10 ans, les maisons disques se sont fait piéger avec ce fameux téléchargement, là. Je pense que la répression n'est pas une bonne chose. Je suis contre à ce que les gens téléchargent gratuitement de la musique. Ça, c'est très clair. J'ai toujours été très clair là-dessus. Moi, je vis de la musique. J'ai choisi de faire un métier qui est pas facile. Aujourd'hui, vendre des disques, c'est quasiment impossible. C'est mission impossible de vendre des disques. On vit sur les lives. Je vis en tant que DJ, mais sortir un disque aujourd'hui, c'est quand même extrêmement osé. Et je suis désolé, le boulanger qui a choisi de faire du pain et de te faire bouffer des bonnes choses tous les jours. Moi, je paye ma baguette et je trouve ça ultra normal. Les gens qui s'achètent des pompes un peu branchouilles et tout et qui s'achètent des fringues, ils les payent. Donc, je vois pas pourquoi, quand quelque chose va faire partie intégrante de ta vie et va devenir quelque chose d'important dans ta vie, comme moi, la musique peut l'être pour la mienne, je trouve un peu logique de se dire, l'artiste qui a du talent en plus, il a choisi de vivre de ce truc-là qui est vraiment pas facile aujourd'hui, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes. Je pense que le plus petit respect à avoir, c'est se dire je vais payer un petit peu pour quelque chose qui va rester chez moi longtemps, en plus parce que la musique ça reste. Ouais. Tu vois, c'est pas un truc que t'achètes au resto et que le lendemain c'est parti quoi. Un disque qui va rester 20-30 ans, j'ai des disques qui sont là depuis 30 ans et toi je sais que t'es un foodzik aussi. Ouais. Et je sais que t'as des trucs dans ta collection que t'as acheté quand t'avais 12-13 ans. Et tu connais l'histoire de ces disques. C'est des pans de vie. C'est des moments de ta vie. Ouais. Et donc je trouve que quelque chose qui devient aussi important dans ta vie, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de respect pour ça. T'écoutes une musique, ça te replonge dans une époque tout de suite, un moment. Et maintenant, il y a que la musique pour faire ça ou le cinéma. On est d'accord. Ouais. Maintenant, je pense que la répression n'est absolument pas la bonne chose. Je pense que c'est plus une question d'éducation. Mmh. Voilà, je pense qu'on est sur, la jeunesse aujourd'hui pense que tout devrait être gratos. Je pense que c'est peut-être une histoire d'éducation aussi. Est-ce qu'ils ont raté le coche? Toi qui as monté ce label F Communication avec quelqu'un d'Éric Morand que je connais très très bien également, qui était pour le coup très avant-gardiste sur la musique, sur le choix, sur l'artistique, enfin sur tout cet univers-là, vous avez senti les choses arriver ou pas du tout? Vous avez senti qu'à un moment donné, ça allait exploser comme ça allait exploser? Les maisons de disques, elles se sont fait avoir. Aujourd'hui, elles le disent à demi-mot. Ouais, elles ont cru qu'elles allaient pouvoir le contrôler, que le jour il faudrait c'est mettre incontrôlable. Mais ça a toujours été incontrôlable. C'est à partir du moment où les choses ont été des vraies révolutions, c'est là où les gens ont commencé à réfléchir. Mais il y a plein de choses qui se sont passées où les gens ne savaient pas que ça allait jusque là. C'est complètement incontrôlable. Même le début de cette musique-là, tout le monde disait, c'est voué à mourir d'ici 6 mois. Là, on en est 20 ans après. Est-ce que les gens auraient pensé que 5 ans ou 6 ans ou 10 ans après, il y allait avoir 1 million de personnes dans la rue pour danser sur cette musique-là? C'était incontrôlable. Donc, il y a un moment, les musées nous disent que, bah, ils ont fait avec au bout de plusieurs années, tu vois. Alors, il y a les petits labels. Nous, on a toujours dit avec Eric, les petits labels, c'est des windsurf. Donc, ils vont relativement vite et puis, hop, ils montent et ils peuvent virer de bord très rapidement. Les maisons disent que les gros, c'est des paquebots, quoi. Les mecs, ils tournent. Après ils partent et puis bon, c'est une espèce de grosse inertie. Puis le jour où ils se disent ok, il faut qu'on s'arrête, bah ouais, ok, ça on prend va du temps, quelques kilomètres comme ça, on va arrêter le truc. Et c'est ça. Et je pense que la technologie, de toute façon aujourd'hui, c'est la vitesse de la technologie, enfin en tout cas la façon dont la technologie avance, c'est incontrôlable. Donc il faut faire avec. Oui, on n'a pas raté le coche, mais c'est long de digitaliser tout un label, de se dire ok, on va commencer à vendre sur internet, comment on fait? Il y a pas de loi, c'est le bordel, c'est un vrai bordel, donc c'est compliqué. Tu t'es penché sur la question, Laurent, Eric, on se pose beaucoup de questions. Oui, je sais bien, Laurent, je s'imagine bien, mais est-ce que vous aviez déjà une petite réflexion, une petite idée derrière tout ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, aujourd'hui, on peut pas arrêter dans ça. Non, mais franchement, comment on peut limiter les dégâts, alors, on va dire? C'est quoi limiter les dégâts? Est-ce que les gens arriver à ce que de nouveau quelqu'un comme toi, un artiste comme tu le dis, qui demande du travail, où on a l'impression qu'aujourd'hui l'argent c'est enfin le moi, cinéma tout est gratuit, que moi, ça devienne je pense qu'il faut revaloriser le travail.